commencer. Bienvenue à tous à cette séance numéro 25 du médecin qui va être consacrée aux méthodes de pré-test des questionnaires. Alors, on va accueillir aujourd'hui les collègues du Centre de Recherche Politique, donc Simon Lecor, Mathieu Oublié et Roger Nicolas, qui vont nous faire un retour d'expérience à partir de leur réflexion méthodologique sur les instruments de test et questionnaires. Donc, l'idée de la séance, c'est d'ouvrir un peu une patinoire, de travailler un peu des questions qui, dans certaines parties des sciences sociales françaises, notamment en sciences sociologie et en sciences politiques, sont assez peu travaillées, assez peu discutées, il me semble. Alors que, on voit que c'est beaucoup plus développé, par exemple, en psychologie sociale, en psychologie cognitive, ou dans les sciences sociales en saxon, notamment. L'idée, c'était de pointer aussi le fait qu'il existe des outils intéressants pour tester les questionnaires pour le quantitativiste, mais aussi ces outils peuvent être utilisés par le qualitativiste, puisqu'il s'agit d'une forme assez spécifique d'entretien qualitatif, comme aussi souvent avoir un intérêt pour d'autres communautés de méthodologie. Et donc tout ça sera fait à partir d'une double restitution d'expérience, très concrète et très directe. L'expérience de l'enquête sociale européenne, donc la mise en œuvre de l'enquête sociale européenne et la mise en œuvre d'une enquête du panel Ellipse, ce qui permettra aussi d'évoquer une problématique liée qui est celle de la traduction des questionnaires en plusieurs langues. Donc, ça va donner lieu à une présentation d'un peu plus d'une heure. Donc, si vous avez des questions très spécifiques, vraiment des questions de détail, de compréhension, n'hésitez pas à prendre la parole. Mais la discussion aura lieu après la présentation. Et s'il reste du temps, nos collègues vous proposeront quelques exemples de mise en situation. Voilà, donc je vous laisse la parole. Et merci encore d'avoir fait l'effort de présenter cette expérience. Ok, ben merci Guillaume. Bonjour, bienvenue et donc merci d'être présent à cette séance du médecin. Donc comme l'a rappelé Guillaume, nous allons aujourd'hui vous présenter avec Boisjeil et Simon les retours d'expérience des travaux méthodologiques que nous avons menés sur les instruments de collecte des données au CDSP. Faire un petit rappel de ce qu'est le CDSP rapidement pour ceux qui ne le savent pas. C'est le Centre de données sociopolitiques qui a été créé en 2006, qui est une unité mixte de services de Sciences Po et du CNRS et qui propose à la communauté scientifique des services autour des données en sciences sociales, c'est-à-dire répondre aux besoins en termes d'accès aux données, à la production de données, au soutien et au développement des méthodes pour collecter et traiter des données. Voilà. Et donc nous allons voir ici pourquoi et comment produire des données quantitatives de meilleure qualité. La première question qu'on va se poser, c'est de savoir s'il faut vraiment prétester un questionnaire. La réponse, évidemment, est oui. Et c'est même un prérequis essentiel à l'élaboration de votre questionnaire avant qu'il ne soit soumis à votre population cible et afin de pouvoir collecter des données de qualité. Et donc s'il est impossible d'avoir un questionnaire parfait, il est possible en revanche de produire et de réduire au maximum les erreurs au travers de la réalisation de pré-tests. Et lorsqu'il est dit que si vous n'avez pas forcément de ressources pour tester votre questionnaire, il est inutile de réaliser l'enquête, ça peut paraître un petit peu extrême, mais c'est pas complètement faux. Et c'est d'ailleurs d'autant plus vrai avec des ressources qui sont limitées, ça serait un peu gâcher l'étude que de passer un questionnaire non testé qui collecterait des données dont on pourrait douter de leur qualité. Voilà, pour exemple, on a tous eu un peu entre les mains une première version d'un document, d'un questionnaire, un rapport, même une présentation. Généralement, on est plutôt fier de ce qu'on a pu produire. C'est proche de la perfection, mais en fait, c'est notre première version. Et en fait, on va relire, on va tester, on va refaire relire, on va en discuter, on va retoucher, puis les versions s'enchaînent. Et ça pourrait être presque sans fin. Et on arrive à une version finale et on s'aperçoit qu'elle est vraiment très très loin de notre version première. Et lorsqu'on la compare, on s'aperçoit vraiment à ce moment-là du travail accompli et au combien c'était nécessaire de faire ces tests et ces relectures. Et donc si on en revient à la réalisation d'un questionnaire, c'est un petit peu la même chose. Et donc qu'est-ce qu'un prétest de questionnaire et comment on va s'en servir? Un prétest de questionnaire, une définition assez courte et assez simple, c'est un test sur une partie ou l'ensemble d'un questionnaire avant son administration à l'échantillon principal, avec pour but d'optimiser le questionnaire afin d'avoir des données de meilleure qualité. Donc ce qui sous-entend qu'il faut prévoir le temps pour réaliser des tests sur un questionnaire. Il faut évidemment... c'est mieux, il faut connaître la date des terrains, les caractéristiques de son échantillon principal. Et ainsi, on va pouvoir organiser les différentes étapes de la réalisation de pré-tests, du choix des pré-tests jusqu'au résultat. Et c'est une condition préalable vraiment essentielle à la réussite du développement et à l'amélioration du questionnaire. Et donc, toujours à la qualité des données qui seront collectées. Et donc, à quoi va donc nous servir de réaliser un ou plusieurs pré-tests de questionnaire? Ça sera évaluer et à tester le questionnaire ou une partie de celui-ci avant qu'il ne soit administré, afin de collecter un ensemble de données et d'indicateurs sur le questionnaire. Et donc, on va récolter beaucoup d'informations, à commencer par la compréhension des questions. Est-ce que le sens que le répondant associe ou donne à la question correspond vraiment au sens voulu par le chercheur? Ou est-ce que les répondants interprètent tous une question de la même manière? On peut s'interroger aussi sur les difficultés rencontrées par les répondants dans la complétion d'un questionnaire. Et à quel point est-ce qu'il est difficile pour les répondants de comprendre et de répondre à la question? Est-ce que le sujet de la question est connu ou pas? Est-ce qu'il est sensible ou pas? On pourra regarder également la distribution des réponses et constater si l'ensemble des modalités et des différentes échelles qu'on a utilisées sont sélectionnées ou pas. Et on peut regarder également les différents problèmes techniques qui peuvent être liés par exemple aux appareils qui sont utilisés pour répondre, que ce soit sur tablette, smartphone, ordinateur, mais également les problèmes qui peuvent être liés aux intervieweurs lorsque la collecte a lieu en face à face. On pourra regarder la durée du questionnaire, savoir si ça correspond bien à l'estimation que nous en avions fait, ou encore l'intérêt des répondants pour les questions sur le questionnaire dans son ensemble, si finalement ils manifestent un petit peu de fatigue ou de désintérêt au fur et à mesure que vous testez le questionnaire, s'ils trouvent que les questions sont redondantes, etc. Nous allons voir qu'il y a de nombreuses sources d'erreurs potentielles que l'on peut détecter, ce que je viens de vous lister, et dont notamment la compréhension des questions. Et si nous l'envisageons au niveau linguistique, et pour reprendre vraiment rapidement le concept de signe linguistique développé par Ferdinand de Saussure, nous avons d'un côté le chercheur, donc le signifié, qui avec son concept qu'il souhaite tester, valider à travers le questionnaire, et qu'il doit transcrire ce concept avec des mots, une image, un support qui devient le signifiant, avec pour objectif de transmettre donc au travers de ce support le concept au répondant qui devient signifié à son tour. Cependant, la transmission entre le chercheur et le répondant fera que le concept de l'un ou de l'autre sera différent. Et on peut avoir l'impression que le chercheur et le répondant parlent de la même chose et ont le même concept en tête, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc la question est de savoir et d'avoir la meilleure transmission possible et de repérer les sources d'erreurs dans la formulation de manière à pouvoir déterminer si elle est adaptée ou pas. Essayer de faire avec les travaux. Donc on va regarder maintenant quelles sont les différentes méthodes et comment les choisir. Des méthodes, il y en a de nombreuses, c'est pas exhaustif, il y en a quelques-unes qui sont listées, à commencer par les pré-tests standards, des rapports d'experts, cognitive interviews, focus group, etc., etc. Donc on va vous en présenter quelques-unes et puis par la suite plus en détail sur les cognitive interviews. Et le choix, comment choisir justement ces méthodes, eh bien, ça sera en fonction de votre questionnaire, mais également en fonction du temps que vous pouvez avoir, des coûts, de l'approche que vous avez, des résultats attendus et de beaucoup d'autres critères. Donc on s'apercevra que certaines méthodes sont rapides et faciles à mettre en place, alors que d'autres pourront être plus longues et plus coûteuses, mais permettront aussi de recueillir d'autres informations qui pourront compléter tout ça. Donc il n'y a pas, contrairement à ce que le titre de la présentation pouvait supposer au départ, une méthode miracle qui résoudrait tous les problèmes d'un questionnaire et qui serait valable pour tous les questionnaires, mais c'est finalement une combinaison de plusieurs méthodes qui pour remédier à la faiblesse de chacune et utiliser leur atout spécifique. Une de ces méthodes, c'est la relecture par des experts disciplinaires d'une part et méthodologiques de l'autre. Avec une relecture d'experts disciplinaires, on va pouvoir se poser la question de savoir si les questions sont correctes, donc si les questions sont bonnes. Et une relecture d'experts plus méthodologiques et de savoir si elles sont correctement posées cette fois-ci. Alors les atouts que peuvent avoir ces deux méthodes, c'est qu'elles sont rapides et peu chères, et qu'elles permettent d'identifier les problèmes potentiels qu'il peut y avoir, et aussi d'avoir plus de subjectivité que les concepteurs de l'enquête, ce qui peut être assez intéressant, mais malgré tout, ces avis d'experts, et ça sont les points négatifs, peuvent être contradictoires entre eux, mais également contradictoires avec ce qu'avaient proposé les concepteurs de l'enquête. Donc en fonction tout ça du temps de l'expérience et de l'approche qu'on peut avoir de l'enquête. Et un des points faibles également est que cette méthode ne se substitue pas aux méthodes empiriques et vient seulement en supplément et plutôt en amont d'autres tests. Il y a aussi le système d'évaluation des questions qui consiste en une relecture systématique de chaque question à l'aide d'un formulaire. C'est un formulaire qui reprend étape par étape les questions du questionnaire et qui va permettre d'identifier les éventuels problèmes de conception. C'est un formulaire, nous c'est basé sur le QAS99, pour lequel il y a 8 étapes. Et au cours de ces 8 étapes, on va se poser donc ces 8 étapes qui reprennent des questions sur la lecture, les instructions, la clarté qu'il peut y avoir des questions, les présupposés, la sensibilité, les biais. C'est très très détaillé et il va y avoir 27 questions auxquelles il va falloir répondre par oui ou par non, savoir s'il y a un problème ou pas. Et ça, pour chaque question du questionnaire. Donc c'est évidemment très pratique et une fois que les problèmes sont identifiés, ce sera plus facile, c'est vraiment une aide pour pouvoir modifier et améliorer la question sur laquelle on peut soulever des problèmes. Un autre atout, c'est que c'est une méthode éprouvée et peu coûteuse et qui est utilisable également par des concepteurs d'enquête inexpérimentés, ce qui peut être un gros avantage. Un des inconvénients, et pas le moindre, c'est que c'est chronophage et qu'il faut se familiariser avec le questionnaire, puisque évidemment, passer 27 questions pour chaque question, et ça demande de s'approprier quand même ça, et ça peut être très très long, surtout si votre questionnaire initial comporte beaucoup de questions. Et un autre désavantage, c'est qu'il ne se substitue pas non plus cette méthode aux autres méthodes empiriques de pré-test, et comme la précédente, elle vient seulement en supplément. Et enfin, on arrive aux cognitive interviews, qui consistent donc en la réalisation de plusieurs entretiens individuels sur une partie du questionnaire cette fois-ci. Donc on va pouvoir observer et avoir une discussion afin d'évaluer la compréhension de la question selon différentes méthodes que Boisjeil va pouvoir vous exposer par la suite. Rapidement, pour revenir sur les avantages qu'il peut y avoir, c'est l'identification des problèmes de compréhension et leur cause, ce qu'on ne pouvait pas forcément avoir auparavant, et des informations détaillées sur les processus cognitifs des réponses, ce qu'on n'a pas non plus avec les autres pré-tests qu'on a pu voir par la suite, au départ, pardon. Les désavantages qu'il peut y avoir, c'est que ça se réalise sur des petits échantillons. Enfin, si vous avez beaucoup de ressources, vous pouvez le faire sur un très grand échantillon, mais c'est quand même assez rare, avec des conditions de test spécifiques et seulement sur quelques questions, pas sur la totalité du questionnaire. Et puis les résultats peuvent être variables aussi, on peut apporter des biais selon l'intervieweur. Souvent il y a plusieurs personnes qui mènent les interviews et de par cela déjà il peut y avoir des biais comme avec l'administration et l'organisation, et donc on va essayer de voir par la suite comment il est possible aussi de pallier à ces biais. Et donc je passe la parole à Boisjeil. Donc nous avons choisi de nous focaliser sur les entretiens cognitifs parce que cette méthode présente l'avantage de prendre en considération le vécu du répondant avant que le questionnaire, pour l'amélioration du questionnaire avant que le questionnaire définitif soit administré à la population, à l'échantillon définitif. Donc tout d'abord, avant de vous présenter l'ensemble des techniques et des procédés qu'on met en place pour, dans le cadre de cette démarche, je voudrais vous parler du terme cognitif, d'où vient cette appellation, entretien cognitif, de quoi on parle. Alors, pour tester un questionnaire, nous allons forcément nous interroger sur la relation qui lie la question qui est posée, la question d'enquête qui est posée dans le cadre d'une enquête et la réponse qui est produite par le répondant. Donc, en utilisant un jargon qui appartient au domaine de la psychologie, nous allons nous intéresser à un lien d'un stimulus qui est la question et la réaction et qui est les réponses produites ou sélectionnées par le répondant. Donc historiquement, il existait un courant, il existe toujours, mais il est plus très en vogue maintenant, et qui envisageait l'étude du comportement en tant que chaîne de différentes stimuli et réactions, et car les chercheurs qui partageaient les principes de ce courant étaient persuadés que l'étude scientifique doit se focaliser uniquement sur l'observable. C'était le behaviorisme. Donc, ils envisageaient lors de l'étude du comportement uniquement à partir d'analyse de chaînes de stimuli et de réactions. Cette approche-là, elle n'est pas très éclairante dans le cas d'un questionnaire, surtout qu'il faudrait beaucoup d'informations pour pouvoir juger vraiment de pertinence d'une question par rapport à des réponses qui sont données par les participants. Et lorsque ce courant behavioriste s'est un peu épuisé dans les années 90, et un autre courant est devenu très productif, qu'on appelle la psychologie cognitive. Donc le principe de la psychologie cognitive était de se focaliser sur ce qu'on appelle la cognition. Donc c'est tout un ensemble de processus mentaux qui traitent l'information et qui médiatisent cette relation entre stimulus et réaction. Et en fait, l'entretien cognitif, c'est vraiment ça, c'est cette analyse des processus mentaux, comme le raisonnement logique, l'intelligence, la perception, la mémoire aussi, c'est un domaine très important, pour comprendre mieux comment un stimulus sous forme d'une question d'enquête contribue ou comment il se transforme ou comment il mène à une certaine réponse de la part du répondant. Quels sont les processus? Et donc l'entretien cognitif va justement mettre en place tout un ensemble de techniques pour savoir davantage, d'une façon bien sûr indirecte, parce que ce sont des processus qui ne sont pas observables directement, pourquoi les répondants, qu'est-ce qui les amène à produire une certaine réponse à une question, et éventuellement, pourquoi leur compréhension ne correspond pas à la compréhension qui a été prévue par les concepteurs du questionnaire. Parce que c'est ça l'enjeu. C'est d'éliminer l'écart entre la compréhension qui a été attendue et la compréhension qu'en ont les gens. C'est le grand avantage de cette technique, c'est de permettre de repérer cet écart éventuellement pour proposer des améliorations à la question. Et donc, nous allons mettre en place plusieurs techniques pour pouvoir détecter cet écart. Donc l'entretien cognitif, il consiste, pour faire court, à accompagner les gens alors qu'ils sont en train de remplir un questionnaire, de leur poser des questions, de les observer avec des techniques plus ou moins intrusives, et pour savoir davantage ce qui se passe dans leur tête alors qu'ils sont en train de répondre. Alors, quelles sont les techniques qu'on peut mettre en place pour avoir une vision plus approfondie de ce qui se passe dans l'esprit des gens, quelle est leur compréhension de la question à laquelle ils sont en train de répondre à un moment donné? Donc tout d'abord, on peut penser à une technique très simple qui consiste à demander à un répondant de penser à voix haute alors qu'il est en train de répondre. Donc ça, c'est très simple à mettre en place. Et on invite la personne à dire tout ce qui se passe par sa tête alors qu'il est en train de, une fois qu'il a eu la question, à tout moment, la personne elle peut prendre la parole, elle peut s'exprimer d'une façon spontanée, sans que forcément on précise notre intérêt, on l'encourage à s'exprimer tout simplement. Alors, donc l'avantage de cette méthode consiste à ce qu'on peut récupérer un ensemble d'informations très variées et parfois inattendues, ce qui est un avantage parce que finalement ça nous permet de repérer des problématiques qui n'ont pas été du tout envisagées au départ. Et par contre, la limite de cette technique consiste à ce que les gens ils peuvent avoir une réactivité très variable dans la situation d'entretien. Il peut y avoir des gens qui sont timides, tout simplement, ou qui sont un peu gênés par la situation d'entretien, ce qui peut arriver. Après, il y a bien sûr toute la question de la relation qui lie l'enquêteur à un moment donné et la personne qui est interviewée, et ce qui peut influencer l'entretien dans deux sens. À la fois, on peut décourager la personne et la rendre timide, mais de l'autre côté, on peut avoir aussi des gens qui vont beaucoup parler, qui vont nous raconter des choses qui ne sont pas forcément liées à notre intérêt. Donc il faudrait à ce moment-là les recadrer pour qu'ils parlent vraiment des choses qui sont intéressantes dans ce cadre-là et qu'ils ne nous racontent pas trop leur vie. Alors, mais c'est une technique, moi je pense, tout à fait pertinente et elle est pratiquement à utiliser pratiquement dans le cadre de chaque type d'entretien cognitif, je pense. Et, alors, la technique suivante, c'est une grande ensemble de techniques différentes qui consiste à relancer avec des questions, à poser des questions relance après une fois que la question d'enquête a été répondue ou bien après une série de questions d'enquête. Et donc il y a différents types de questions relance. Je vais un peu les détailler par la suite. Il peut y avoir des questions relance très générales qui sont juste des incitations à parler, ou bien il peut y avoir des questions très spécifiques qui sont destinées à analyser des processus mentaux beaucoup plus spécifiques. Donc parmi ces différentes techniques parmi ces différentes questions relances qu'on peut envisager, nous pouvons utiliser par exemple les relances sur la compréhension. C'est-à-dire il y a des termes qu'on peut repérer dans la question qui d'emblée on suppose qu'ils peuvent être compris d'une certaine façon et pas forcément dont la compréhension peut être non ambiguë. Et donc dans ce cas-là, il peut être intéressant de relancer, de poser des questions, comment les gens comprennent un certain terme. On va poser des questions du type « Que veut dire pour vous ? Pourriez-vous définir davantage ? Si vous aviez à m'expliquer ceci ou cela ?» Et comme ça, on invite les gens à parler, à nous éclaircir un peu leur compréhension d'un terme donné. Alors, quels sont les désavantages ou les risques qui sont liés à l'utilisation de cette technique ? Et certaines personnes peuvent avoir l'impression de passer un examen ou faire un exercice de français en étant poussé à expliquer certains termes qui sont difficiles à expliquer. Et ce qu'il faut éviter de faire, c'est de poser ce type de questions relance à propos des termes qui sont ambigus, certes, et qu'on souhaite éclaircir dans la compréhension, on souhaite éclaircir davantage, mais qui sont relativement banales. C'est-à-dire, il faudrait éviter quand même de demander aux gens, expliquez-moi ce que veut dire le bon choix, par exemple. C'est un terme assez banal où les gens ils seront un peu embêtés à définir ce type de choses. Il vaut mieux tourner la question d'une façon un peu différente pour qu'ils soient amenés à parler des bons choix qu'ils ont fait dans le passé ou faire quelque chose comme ça pour ne pas en faire un exercice de style qui peut fatiguer certaines personnes. Et donc ces relents sont, d'après l'expérience qu'on a eue avec notre travail réalisé dans le cadre de SS et de questionnaire passé sur le panel Ellipse, ces relents sont mieux perçus par des personnes qui ont un certain niveau de formation, qui sont moins fatiguées, moins embêtées par ce type de relance, qui peuvent apporter davantage d'informations. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on doit se limiter à travailler uniquement avec des personnes qui sont bien formées. Parce que effectivement, tout l'enjeu, c'est souvent de comprendre comment les gens qui ne sont pas forcément très bien formés comprennent les questions d'enquête. Bon, c'est une parenthèse. Alors, un autre type de relance, c'est la relance qui cible les raisons pour lesquelles le répondant a sélectionné une certaine option de réponse. Donc on demande pourquoi avez-vous sélectionné ceci ou cela, expliquez s'il vous plaît votre choix, etc., etc. On veut que la personne elle vous explique les raisons pour lesquelles elle a sélectionné une question de sélectionner une réponse. Et donc ça c'est pas très compliqué à faire. Et encore une fois, évitons de poser ces questions-là lorsque nous pouvons nous attendre à une réponse assez évidente. Par exemple, on ne va pas poser la question « Pourquoi avez-vous sélectionné 5 à 10 cigarettes par jour ?» à la question « Combien de cigarettes vous fumez quotidiennement ?» La personne va vous répondre 7. C'est pas très intéressant, alors que on peut être curieux quand même si la personne elle a vraiment dans certains cas on peut être curieux si la personne elle a vraiment sélectionné le nombre de cigarettes qu'elle fume, mais en général si les gens sont confrontés trop souvent à des questions où ils doivent rapporter des réponses un peu banales, ça devient agaçant à un certain moment, et donc il faut limiter cet effet de banalité. En général, une petite parenthèse, les gens très souvent, surtout si vous passez par une entreprise, par un cabinet d'enquête ou par un recruteur, par une entreprise qui recrute des gens pour des enquêtes à grande échelle, souvent vous allez rencontrer des gens qui s'attendent à participer dans des enquêtes. Donc ce type de procédé est très inhabituel pour ces gens-là. Donc ils ne comprennent pas pourquoi on leur pose des questions comme ça, et ils ont l'impression de faire quelque chose de très banal, et ils ne voient pas l'intérêt. Donc il convient toujours de leur expliquer bien les objectifs de la procédure, de les rassurer et donner un peu de sens à leurs yeux de ce qu'on est en train de faire. Un autre type de relance, ce sont des relances qui concernent la récupération de l'information en mémoire. Alors, il s'agit d'interroger comment les gens ils ont réussi à se rappeler quelque chose. Donc, on pose cette question aux gens, on demande comment vous faites pour vous rappeler une date, comment vous faites de vous rappeler ceci ou cela, quelque chose qui doit être restitué en mémoire, parce qu'on souhaite justement savoir quel procédé ils ont utilisé. Est-ce qu'ils se souviennent bien? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans leur mémoire? Est-ce qu'ils s'appuient sur des repères? Ils s'appuient souvent sur des événements qui sont accessibles dans leur mémoire comme repère pour restituer une information. Et donc l'intérêt ici, c'est de savoir à quel point cette information elle est fiable et quels repères ils utilisent et quels sont les biais possibles qui peuvent détourner ce processus de rappel et puis le déformer. Donc voilà, et ensuite on a les relances générales. Ces relances générales, ce sont tout simplement les réponses générales, ce sont des relances qui sont des réactions du type vous avez dit que très bien, pourriez-vous m'en dire davantage, et si vous avez-vous des choses à ajouter, etc., etc., ou vous pouvez même faire tout ça. C'est juste d'encourager la personne à s'exprimer, à parler. Souvent on est amené à utiliser ces relances alors que au préalable on a invité la personne à penser à voix haute. Si la personne elle décroche, elle n'a plus envie de parler, on peut toujours la relancer. Ce sont des relances qui sont généralement permises aux enquêteurs en tant que, en fait, spontanément, ils peuvent utiliser ces relances-là pour justement relancer la communication. Donc c'est le moins gênant si un enquêteur utilise ce type de relance d'une façon spontanée. Et le seul risque à utiliser ces relances, c'est éventuellement de faire comprendre aux participants qu'il y a quelque chose qui nous intéresse particulièrement, par contre on la relance plusieurs fois sur quelque chose, et que la personne elle peut s'en douter qu'il y a quelque chose, il y a des objectifs inavoués qu'on l'a pas dit, et que la personne elle commence à deviner les objectifs de l'entretien et commence à répondre en fonction de ce qu'elle imagine. Mais normalement, c'est tout à fait normal d'utiliser ce type de relance. Elles sont un peu incontournables. Alors, juste pour dire deux mots de ce que j'ai déjà mentionné, c'est que vous pouvez administrer ou bien relancer, administrer les questions-réponses ou relancer les gens, soit après une série de questions, soit après chaque question. Après, c'est à vous de voir si vous voulez privilégier le fait que la question elle reste très accessible en mémoire, que le processus cognitif, toutes les pensées restent accessibles en mémoire de la personne au moment où vous posez ces questions relance, ou bien vous souhaitez préserver une certaine logique qui peut exister entre les questions. Dans certains cas, si les questions se ressemblent, on peut avoir l'intérêt pour raccourcir de relancer après une série de questions. Il y a beaucoup de décisions qu'il faut prendre en fonction du contexte de l'entretien, en fonction du caractère des questions. C'est à vous de prendre ces décisions-là. Une technique suivante, c'est la paraphrase. C'est une technique qui consiste à inviter la personne à reformuler avec ses propres mots la question. C'est une technique qui ressemble beaucoup à la relance sur la compréhension, pour ne pas dire que c'est quasiment la même chose. Et donc, c'est aussi une technique très utile qui nous permet de comprendre qu'est-ce que les gens comprennent dans leur tête, qu'est-ce que les gens ont comme idée quand ils entendent la question. Donc c'est une technique très précieuse, très utile. En fait, son administration comporte le même risque que l'utilisation de la relance sur la compréhension, dans le sens où les gens ils peuvent le traiter comme une espèce d'exercice de style, et surtout certaines personnes ils vont essayer de s'efforcer de trouver une façon élégante, savante de reformuler la question, ce qui peut les amener à renoncer à la tâche à la fin s'ils ne trouvent pas une formulation très élégante. Et donc voilà, c'est toujours le rôle de l'enquêteur à un certain niveau de rassurer la personne, de la rassurer, de l'encourager, et de lui de rendre et de justifier aussi l'utilisation de la technique pour qu'elle n'ait pas l'impression de participer dans quelque chose qui n'a pas de sens et qui lui paraît banal, bizarre, etc. Et la technique suivante, c'est l'estimation du niveau de certitude de choix de réponse. Donc on peut toujours interroger la personne qui sélectionne une réponse, à quel point elle est sûre de ce qu'elle sélectionne, à quel point elle est sûre de sa réponse. C'est une technique très pertinente. On parle ici du principe que s'il y a un doute, il y a peut-être un problème avec la question. Mais ce n'est pas toujours vrai. La corrélation n'est pas parfaite. Par exemple, quelqu'un peut être très sûr de sa réponse et pourtant on peut constater que la personne n'a pas vraiment compris la question de la façon qui a été prévue. Donc il convient de coupler cette relance avec une autre relance, par exemple avec la relance sur la compréhension. Cependant, il peut y avoir des situations qui sont très décourageantes pour l'agent, où quelqu'un évalue son niveau de certitude d'une façon assez favorable. Il va dire qu'il est tout à fait ou elle est tout à fait certaine de ce qu'elle dit. Par contre, après, si vous relancez sur la compréhension, elle peut avoir l'impression qu'on ne lui fait pas confiance et qu'on lui prouve que la personne ne comprend rien. Voilà. Donc ça, c'est un risque qu'il faut également qu'il faut gérer comme les autres risques de ce type-là. Et par contre, cette technique, elle est assez utile dans la mesure où, effectivement, elle peut s'appliquer à chaque question. Elle peut être appliquée assez facilement en présentant une échelle. À chaque fois que la question est administrée, on peut présenter une échelle de certitude, de 1 à 100% par exemple. Et la personne peut systématiquement rapporter son niveau de certitude à chaque question qui nous renseigne bien sur différents problèmes qu'il peut y avoir. Et après, nous avons une technique très similaire qui consiste à estimer le niveau de difficulté de répondre. Donc il s'agit quasiment de... Dans la réalité, c'est quasiment la même chose. En fonction des questions, vous pouvez trouver que l'évaluation du niveau de difficulté peut être plus pertinente que l'évaluation du niveau de certitude. Par contre, j'avais l'impression qu'il y a moins de situations pour lesquelles il est pertinent de s'interroger sur le niveau de la difficulté à répondre. Et quasiment toujours, on peut interroger les gens sur leur niveau de certitude. À quel point ils sont certains, ça va être toujours pertinent. Par contre, la difficulté de répondre à certaines questions, elle est quasi nulle dans certains cas. Alors, la dernière technique, c'est le tri ou la catégorisation. Pour savoir si les gens, pour se renseigner sur le niveau de compréhension de certains termes par les participants, par les répondants, nous pouvons leur demander de ranger les termes qui peuvent être liés ou pas, ou que eux ils peuvent percevoir comme liés. Il y a deux types de ce tri. Et il y a un tri libre, une catégorisation libre, où il n'y a pas de catégorie prédéfinie qui existent d'emblée, qui sont suggérées d'emblée. Et il y a un tri dimensionnel, où bien les catégories, elles sont prédéfinies, on les donne aux gens d'emblée. Donc après, c'est toujours à vous de voir quel est le plus pertinent du point de vue de vos objectifs, du point de vue des enjeux qui sont liés à l'administration des questions. Le tri libre, il peut être intéressant lorsque vous souhaitez vous renseigner sur des termes pour lesquels il n'y a pas de catégorisation ou classification qui est bien définie d'emblée. Par exemple, on peut s'interroger comment les gens y trient les partis politiques dans la mesure où aujourd'hui les clivages gauche-droite sont moins évidents qu'avant, qu'il y a question de partis populistes. On peut être curieux comment les gens comment ils trient les partis politiques, par exemple. Pour le tridimensionnel, c'est plutôt une approche confirmatoire où on veut savoir si les gens ils rangent les termes correctement par rapport à un standard qui est prédéfini d'avance. Par exemple, s'ils sont capables de savoir quelle ethnie vit sur quel continent, ou s'ils rangent bien les catégories grammaticales. Voilà, ça c'est des exemples. Après, il peut y avoir d'autres exemples que vous pouvez imaginer, surtout si vous êtes amené à appliquer cette technique dans votre pratique professionnelle. Alors, quelques consignes sur la réalisation des entretiens cognitifs. Alors, tout d'abord, quelque chose qui est plutôt évident, mais je le dis quand même. Quand vous allez constituer votre échantillon, veuillez à ce que cet échantillon reflète au moins en partie les caractéristiques de la population à laquelle vous vous adressez. C'est plutôt évident. Si c'est une population, on va dire, générale, il faut bien que cet échantillon soit à minima diversifié selon l'âge, selon l'endroit où les gens habitent, etc. Si vous vous adressez à des lycéens, vous recrutez quelques lycéens. S'ils sont des pompiers, il faut recruter des pompiers, etc. etc. C'est juste que, voilà, il ne faut pas faire en sorte que, par exemple, vous travaillez avec des gens très jeunes et ensuite le questionnaire il est adressé à une population générale, il y a des gens plus âgés pour lesquels vous n'aurez pas de l'information. À quel point ces gens-là ils peuvent comprendre des questions différemment par rapport à ce qui était attendu. Donc voilà, une chose très simple. Et vous avez un avantage de choix d'approche qui sont... ça dépend encore une fois de votre décision. Vous pouvez bien structurer votre approche et vous pouvez laisser libre un petit peu les enquêteurs. Les enquêteurs, ça peut être des gens qui ont plus ou moins grand niveau d'expérience et plus ou moins grande conscience d'attente que vous avez quand vous engagez ce type de travail. Donc, il peut y avoir des cas où les gens ils sont bien conscients de... Ça peut être même les chercheurs qui eux-mêmes ils réalisent ce type de travail pour se renseigner davantage sur le questionnaire qu'ils sont en train de concevoir. Donc, dans ce cas-là, il peut y avoir des approches très libres, dans la mesure où ils peuvent être très libres pendant l'entretien à utiliser différentes techniques, parfois d'une façon un peu spontanée et imprévue. Mais vous avez aussi... Et c'est peut-être plus souvent le cas des approches standardisées qui permettent de recueillir le même type d'informations pour tout le monde, pour chaque participant. C'est par exemple le cas de l'enquête OSS qui va être présentée par Simon, où cette approche est très fortement structurée, pas totalement structurée, mais elle permet, elle nous a laissé une certaine marge de manœuvre, mais c'était une approche très fortement structurée. Et quand vous avez des objectifs très bien définis, optez plutôt pour structurer votre démarche. Si c'est plutôt des objectifs d'exploration, vous pouvez vous laisser une marge de manœuvre plus libre, ou à vos enquêteurs. Alors, un enregistrement des entretiens, c'est quelque chose qui se fait pratiquement toujours. Alors, les enregistrements audio, c'est la procédure standard. Vous pouvez également envisager un enregistrement vidéo si vous voulez davantage laisser trace d'interaction non verbale, ce qui peut être intéressant. Un autre type d'enregistrement qui est parfois pratiqué, ce sont les enregistrements par oculomètre. C'est en particulier utile lorsque vous testez des questionnaires ou des enquêtes web pour savoir davantage où se pose le regard des gens qui sont en interaction avec un site web. Dans tous les cas, il est pratiquement obligé de prendre des notes, parce que vous pouvez être amené à noter des choses qui ne laisseront pas de traces dans vos enregistrements, ou ça peut être tout simplement des observations des enquêteurs qui sont aussi très importantes par la suite. En règle générale, on ne va pas dépasser 90 minutes. On ne va pas dépasser 90 minutes par entretien parce que tout simplement c'est trop fatigant pour les gens après, surtout que certaines frustrations ils ont tendance à s'accumuler au fur et à mesure et qu'à la fin les gens sont parfois agacés, fatigués, etc. Donc nous serons amenés à tester 20-25 questions peut-être plus, peut-être moins, ça dépend de vos questions. Nous allons travailler avec des petits échantillons. En général, ça va être de 5 à 30 entretiens par pré-test. C'est une technique en général qui est chronophage, qui est gourmande en ressources. Donc, on a l'intérêt à la fois d'avoir un échantillon qui nous permettra de recueillir de l'information qui va être à minima récurrente pour savoir si un problème il revient vraiment souvent, mais en même temps avec un échantillon limité qui va nous permettre de ne pas passer trop de temps et de ne pas investir trop de ressources dans cette démarche. Surtout que vous pouvez envisager un second tour, c'est-à-dire vous pouvez envisager une démarche itérative où le questionnaire il est conçu une fois, testé, ensuite on revient sur la conception du questionnaire pour le modifier et on le reteste. Donc du coup, vous pouvez parfois vous poser la question, est-ce que si vous pouvez vous permettre de recruter 10 personnes, est-ce que ça vaut le coup de recruter 10 personnes à la fois ou bien de faire un recrutement de 5 personnes à chaque tour? Ça peut être intéressant d'envisager cette possibilité-là, en sachant que ça vous permettra d'affiner certaines hypothèses certaines analyses, et que les recherches méthodologiques dans le domaine ont montré que normalement avec un nombre réduit de questions, la plupart des temps on arrive assez facilement de repérer les problèmes les plus importants, les problèmes de compréhension les plus importants. Donc du coup voilà, c'est à vous de décider comment vous souhaitez procéder. Alors, quelques mots sur l'analyse des entretiens cognitifs. En général, les personnes qui sont habituées à utiliser les méthodes qualitatives vont trouver beaucoup d'éléments qui leur sont familiers, ou peut-être ça va être quelque chose qui leur est tout à fait familier, on va voir. Alors, en général, pour analyser les entretiens cognitifs, on utilise des techniques qui sont, voilà, des techniques qualitatives. On peut, dans l'idéal, on aurait tendance à retranscrire les entretiens dans la réalité et dans notre pratique que nous avons eue. On ne l'a pas fait et on sait qu'on ne le fait pas si systématiquement parce que c'est en général gourmand en ressources, il faut passer beaucoup de temps à le faire, etc. C'est une tâche assez lourde. Ce n'est pas fait systématiquement, mais vous pouvez ne pas le faire. Si vous le faites, ça peut être très utile dans la mesure où par la suite vous pouvez appliquer certaines méthodes, par exemple de traitement automatique de texte, qui peut être très utile dans vos analyses. Ça va rendre vos analyses plus rigoureuses. Mais souvent, vous n'avez pas le temps et vous avez l'intérêt de privilégier une certaine efficacité pour améliorer votre questionnaire. Donc la retranscription, ce n'est pas quelque chose qu'on fait systématiquement. Dans tous les cas, vous allez préparer une liste à partir de ce que vous avez, les notes ou les enregistrements. Donc, de réponses aux questions. Donc, les réponses aux questions, vous les avez de toute façon parce que l'entretien consiste à recueillir répondre les gens aux questions. Donc, vous les avez sous la main, c'est pas un problème. Donc, à ces réponses aux questions, vous associez les réactions spontanées des gens que vous récupérez à partir de vos enregistrements, à partir des notes que vous faites. Vous allez lister également toutes les réponses et réactions en relance. Ça, c'est normal. Ça, c'est quelque chose de standardisé. Pour chaque relance, si vous utilisez quelque chose de standardisé, la plupart du temps, si vous envisagez d'utiliser systématiquement une relance, vous allez toujours avoir dans chaque cas une certaine réponse ou réaction à cette relance-là. Et vous allez lister également les observations de l'enquêteur. Donc, quand vous faites cette liste-là, bien évidemment, vous n'avez pas juste des bouts de texte bruts ou c'est pas des contenus entiers d'interaction qui ont eu lieu. C'est pas possible parce que ce serait une retranscription complète. Donc, forcément, c'est un processus de résumé. Vous allez résumer l'information à différents niveaux. Donc, comme c'est un résumé de l'information, il y a quelque chose qui s'impose, c'est la subjectivité de ce processus-là. Donc, faire ces listes-là, résumer l'information, implique une part de subjectivité. Et pour cette raison, il faut que plusieurs personnes fassent ça, que ces différentes descriptions soient discutées, soient confrontées entre elles. Et dans l'idéal, il peut y avoir un juge qui tranche à la fin, une personne qui, après discussion, établit une liste définitive de différentes réactions pour éliminer cette subjectivité du processus de description. Et donc vous allez, avec toutes ces listes-là, très rapidement, déjà en résumant l'information, vous rendre compte qu'il y a des ressemblances entre ces différentes réactions, entre ces différentes réponses. Et donc vous allez, à partir de ces ressemblances, affiner vos classifications, vos catégorisations et arriver à un codage qui va vous permettre de constituer un fichier de données avec différentes réactions par colonne et vos participants par ligne qui peut constituer un point de départ de certaines analyses quantitatives plutôt basiques comme le calcul des fréquences, et dans certains cas vous pouvez aussi envisager des analyses plus avancées donc on va pas aborder ici, mais c'est pour évaluer la consistance de vos classifications entre différentes analystes, mais ça c'est, il faudrait, je pense, ça s'applique uniquement pour des entretiens où il y a beaucoup de participants, donc on va pas trop détailler là-dessus. Mais en général, on va faire une analyse de fréquence qui va déjà nous renseigner sur le nombre de fois que certains problèmes sont constatés, et qui va nous renseigner sur l'importance de ce que vous avez observé et de la récurrence de certaines réactions que vous pouvez prévoir dans la population de votre la population cible de votre enquête. Donc vous allez privilégier bien sûr tout ce qui revient plus souvent comme problème ou comme réaction, en sachant que des réactions un peu uniques peuvent aussi être intéressantes. Si vous pensez qu'ils sont intéressants, ça dépend de la nature du questionnaire, etc. Et c'est à vous de décider si des réactions un peu isolées restent intéressantes et à prendre en compte. Et encore une fois, juger à plusieurs pour ne pas trop être dans un jugement subjectif. Donc les choix de critères de classification de vos réponses, elles vous appartiennent. Vous pouvez vous faire guider par différentes hypothèses que vous jugez pertinentes à un moment donné, qui soient issues de théories psychologiques ou sociologiques. C'est à vous de voir. Il y a beaucoup de décisions que vous devez prendre en fonction de la nature de votre enquête et de la nature de la façon dont vous voulez améliorer votre questionnaire et en fonction du niveau auquel vous êtes prêt à le modifier. Aussi. Donc, pour finir cette partie-là, il y a juste un exemple de catégorisation que je voulais vous montrer. Ici, on a relancé les gens, on a fait une relance sur la mémoire, sur la mémorisation, et on a posé la question comment ils arrivent à se remémorer la date d'un événement. Et donc, on voit les verbatim à gauche, dans la colonne à gauche, et puis une tentative de catégorisation qui est tout à fait subjective, c'est moi qui l'ai faite, à droite. Donc ici, moi j'ai repéré deux cas où je constate que la personne, elle a un souvenir assez exact de la date, sauf que dans un cas, elle se souvient de son âge à ce moment-là, qui permet de restituer cette date d'une façon assez fiable. Dans trois cas, les personnes interrogées se servent d'un repère dans le temps. Dans deux cas, ce sont des repères qui relèvent de leur vie privée. C'est quelque chose qui, du point de vue de l'analyste, est beaucoup moins fiable, un peu flou. Et dans un cas, il s'agit d'un événement de la vie internationale qui est bien identifiable. Donc moi, j'ai décidé de distinguer deux catégories avec deux sous-catégories pour chaque catégorie. Vous voyez bien que c'est tout à fait subjectif et que dans certains cas, vous pouvez par exemple traiter l'âge de la personne qui a été utilisée comme information ici comme un repère dans le temps et donc le reclassifier différemment. Donc tout dépend de vos objectifs et de l'importance que vous attachez à certains phénomènes dans votre analyse. Par exemple, à quel point vous considérez gênant dans la compréhension de questions que les personnes s'appuient sur un repère temporel ou pas. Voilà, voici un exemple. Et là, je passe la main à Simon qui va... Non. Mathieu, pardon. Mais on va bientôt... Qui va détailler l'expérience. Alors oui, on va vous présenter quelques exemples maintenant qui ont eu lieu au CDSP sur la réalisation d'entretiens cognitifs. Je vais commencer par vous présenter ce qu'on a réalisé dans le cadre du panel Ellipse. Et enfin, on pourra donner la parole à Simon pour l'exemple concernant l'enquête sociale européenne. Alors, le dispositif Ellipse, je vais faire un petit rappel pour, ou pas du tout, même pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Donc, c'est l'étude longitudinale par Internet pour les sciences sociales. C'est un EquipEx qui a reçu un financement donc, de l'Agence nationale de la recherche dans le cadre du programme des investissements d'avenir pour la recherche publique, l'innovation et l'enseignement supérieur. Plus concrètement, c'est un panel de plus de 3000 personnes au meilleur du dispositif, sollicité pour répondre régulièrement à des études conçues par des chercheurs en sciences humaines et sociales. C'est un dispositif donc d'enquête par Internet et qui est destiné à la communauté scientifique et qui vise à combler l'absence de moyens d'enquête par questionnaire propre aux chercheurs français en sciences humaines et sociales. En quelques mots, Ellipse, c'est donc une démarche probabiliste avec un tirage au sort des logements, donc résidents âgés de 18 à 79 ans, suivi d'un recrutement en face à face. Alors, il y a eu deux phases, une première phase pilote en 2012, au cours de laquelle nous avons pu recruter un peu plus de 1000 personnes qui ont intégré le panel, et un rafraîchissement en 2016 où 2500 personnes sont venues compléter le panel et les personnes qui restaient du panel test pilote. Le dispositif Ellipse, c'est également fournir une tablette et un abonnement internet illimité 3G puis 4G fourni à tous les participants. Donc ça, en 2012, il n'y avait que 75% des ménages résidant en France qui disposaient d'un accès internet à leur domicile principal. C'est une source INSEE, je ne l'invente pas. Donc il y avait 25% des personnes qui n'avaient pas accès. Donc on ne voulait pas non plus ne pas interroger ces personnes. Et donc pour représenter vraiment la diversité des situations et des opinions, il était essentiel que tout le monde puisse répondre, également les personnes qui n'étaient pas connectées. Et en fournissant une tablette sur laquelle était installée une application spécifique Ellipse au travers de laquelle ils pouvaient répondre aux questionnaires, ça nous permettait d'avoir de nombreux avantages, dont celui d'avoir un seul et même équipement pour répondre et qui évite aussi beaucoup de biais liés à l'administration d'un questionnaire sur des supports qui peuvent varier. Voilà. Donc tous les panélistes avaient le même design de questionnaire pour répondre, donc ça c'était très pratique. Et au final, toutes les données produites à l'aide du panel Ellipse ont vocation à être mises à disposition de la communauté scientifique. En quelques chiffres rapidement, sur les projets de recherche originaux, évidemment, qui ont bénéficié du dispositif, c'est 72 projets qui ont été déposés et qui ont impliqué beaucoup de personnes, 42 de ces projets qui ont été acceptés et une diversité des laboratoires et des disciplines qui ont été abordés, de la politique aux séries télévisées, en passant par l'environnement, la fécondité, les pratiques culturelles, les jeux de société, et j'en oublie plein. C'était aussi, donc ce sont des collectes de données avec des taux de réponse qui sont élevés. C'est plus de 70 terrains d'enquête déjà réalisés, puisqu'il y avait un côté quand même longitudinal à ce dispositif. Donc certaines enquêtes étaient répétées dans le temps auprès du panel. Et avec des taux de réponse élevés, supérieurs la plupart du temps, bien supérieurs à 80%, notamment grâce à la gestion du panel et avec des relances spécifiques qui étaient envoyées et un suivi assez fin des panélistes au cours du temps, et notamment pendant les terrains d'enquête. Et par la suite, le dispositif Ellipse, c'est une mise à disposition des données qui maîtrise l'ensemble du processus de production. Donc c'est à l'heure actuelle 60 ou un peu plus jeux de données qui sont disponibles à l'ensemble de la communauté académique. Et c'est aussi la possibilité de faire beaucoup d'analyses multiples, notamment grâce aux appareillements sur mesure qui sont faits après demande et validation de cette demande. Si on s'intéresse un petit peu plus près au cycle de vie d'une enquête Ellipse, il y a beaucoup d'étapes qui ont été recensées pour aller assez vite. Donc il y a un appel à projet qui est lancé, une sélection par la suite par un comité scientifique et technique. Une fois que le projet a été sélectionné, il y a donc les discussions méthodologiques et techniques avec l'équipe de recherche qui s'amorcent, la programmation du questionnaire avec des développements spécifiques si besoin, des tests du questionnaire, et puis on arrive enfin à la collecte des données, donc en distribuant l'enquête pour que les panélistes puissent répondre, et à la fin de ce terrain, une post-production des données, la production des pondérations, la restitution du fichier à l'équipe de recherche. On va également documenter l'enquête, puis la diffuser après embargo, un embargo d'un an à partir du moment où le fichier a été restitué à l'équipe de recherche. Il y a trois de ces étapes qui nous intéressent particulièrement dans ce qu'on souhaite présenter aujourd'hui. C'est ceux qui sont encadrés un peu plus en vert, alors on ne le voit pas très bien. C'est les discussions méthodologiques, c'est la programmation du questionnaire, et les développements qu'il peut y avoir, et les tests des questionnaires. Donc c'est là qu'on intervient pour faire ces pré-tests, pour prendre le temps, si on a entre l'appel à projet, la sélection et la collecte des données, pour pouvoir faire ces pré-tests de questionnaire et donc améliorer, si besoin, le questionnaire qui a été fourni par l'équipe de recherche. L'exemple que je vais vous présenter, c'est à travers le projet CAPSOC, qui est une enquête qui a pu profiter du dispositif Ellipse, qui a répondu à l'appel au projet qui a eu lieu à l'automne 2017. l'été qui a été passé entre le 25 avril et le 30 mai 2019, c'était le terrain pendant lequel les panélistes ont pu répondre à l'enquête. Donc si on revient sur le cycle de vie, entre l'appel à projet qui avait lieu en automne et la collecte des données qui avait lieu en fin avril, début mai, il y a eu un an et demi qui sont passés. Il y a un grand temps pour la sélection, pour le comité scientifique et technique, avec des nouvelles versions, etc. Mais ça permet aussi d'avoir un laps de temps assez important aussi pour discuter du questionnaire et faire des tests. C'est donc l'enquête CAPSOC, c'est capital social, réseaux sociaux et ressources sociales, qui est un projet de recherche avec notamment Pierre Merclé à la coordination scientifique et Benoît Tudou à la coordination opérationnelle, et qui vise à mesurer le capital social des individus, c'est-à-dire la possibilité d'avoir du soutien et d'utiliser les ressources des proches et des partenaires, avec pour objectif d'analyser notamment des relations possibles entre les relations sociales des individus et les ressources auxquelles elles leur donnent accès. C'est une enquête qui se base sur de nombreuses sources qui ont été répliquées ou dont les chercheurs ont pu s'inspirer, notamment l'International Social Survey Programme, ISSP de 2017, ou l'enquête sociale européenne aussi pour la deuxième vague, l'enquête permanente sur les conditions de vie de l'INSEE également, ou encore l'histoire de vie qui a été proposée par l'INED en 2003. Comment ont été réalisés ces entretiens individuels par la suite? Comme une grande partie du questionnaire utilise des questions issues de sources qui sont déjà éprouvées, comme voilà, celle d'ISSP, nous sommes également concentrés sur les parties des questionnaires qui étaient peut-être plus innovantes, ou en tout cas qui étaient moins testées auparavant, et qui visent à mesurer les chaînes relationnelles des individus sur différents thèmes, qui étaient les soutiens financiers, qu'ils soient reçus ou apportés, les soutiens reçus aussi pour obtenir un emploi, et enfin les informations diverses sur les réseaux de sociabilité des personnes interrogées. Donc cette sélection des questions à tester a été faite en fonction des pré-tests également qui avaient été réalisés par la suite et qu'on vous a présenté tout à l'heure. Ensuite, nous avons donc recruté un échantillon qui était de 10 personnes, et donc en fonction de notre échantillon principal, donc selon plusieurs critères qui étaient ici le sexe, la classe d'âge, le niveau de diplôme et le lieu de résidence qu'on a détaillé avec en gros Paris d'un côté, la Grande Couronne, et puis également des villes qui pouvaient être en province. Et donc on a réalisé ces entretiens soit au domicile des participants, soit dans les locaux du CDSP, tout simplement. Et puis ensuite, donc, on a préparé les entretiens, parce que ça s'improvise pas, comme Boisjaï a pu en parler, avec une procédure relativement standardisée, avec pour chaque question les techniques que nous devions utiliser, les relances à faire, etc. Et pour pouvoir par la suite catégoriser justement l'ensemble des problèmes identifiés, et puis proposer des solutions qui seront acceptées ou pas. Alors, je ne vais pas faire un retour, vous présenter tous les résultats qu'on a pu avoir, mais donc, je vais pas évoquer l'ensemble de ce qu'on a pu faire, mais vraiment me focaliser sur un retour d'expérience sur le pré-test qu'on a pu faire, qui est assez symptomatique des résultats qu'on a eus, et qui est la première question qu'on a posée au cours de ces entretiens individuels. Qui est-il arrivé au cours de votre vie que des personnes vous aident à obtenir une importante somme d'argent, par exemple en faisant appel à votre famille, des amis, des collègues, pour faire face à une dépense exceptionnelle, réaliser un projet, financer des dépenses du quotidien dans une situation d'urgence, etc. Et les personnes à interviewer pouvaient répondre par oui ou par non. Alors, pour cette méthode, on avait réalisé qu'il pouvait y avoir deux sources d'erreurs, enfin d'erreurs, d'incompréhension de certains termes, donc sur aide à obtenir. On voulait s'assurer de la compréhension que pouvaient avoir les participants à cette question, également sur une importante somme d'argent. C'était les deux termes que nous cherchions vraiment à évaluer et à savoir si c'était une source d'erreur problématique ou pas. Le questionnaire, pendant les entretiens, on leur demandait de penser à voix haute pendant tout l'entretien, et puis il y a eu des relances spécifiques sur la compréhension de ces termes après qu'ils aient répondu à la question. On s'est aperçu qu'il y avait des difficultés dans la notion de sollicitation sur l'aide à l'obtention qui était évoquée dans la question. Des personnes se sont interrogées, nous ont demandé si finalement l'aide était explicitement sollicitée par le bénéficiaire lui-même, ou bien est-ce que justement on excluait les aides spontanées qui pouvaient être apportées par quelqu'un à une personne dont on sait qu'elle est dans le besoin. À partir de là, on peut faire des recommandations qui sont de préciser peut-être plus explicitement si les aides non sollicitées sont à inclure ou à exclure, et à voir comment le modifier éventuellement la question. Toujours sur l'aide à l'obtention, plusieurs personnes on a pu s'apercevoir qu'il y avait un manque de précision sur ce terme-là. Savoir si ça pouvait s'inscrire dans une démarche auprès d'une institution, qu'elle soit financière ou pas, ou d'un particulier, si cette signification était exclusivement du prêt, ou bien est-ce que ça pouvait être un don. Les gens ne savaient pas forcément se positionner, et la plupart naturellement excluaient le don, mais arrivaient plutôt sur une forme de prêt, et trouvaient que les exemples n'aidait pas forcément à la bonne compréhension des termes. Donc à partir de là, il faut essayer de trouver des termes qui soient plus précis, plus concrets, et puis avoir des exemples qui sont peut-être plus explicites et qu'on pourra retester par la suite. L'autre terme qui pouvait être une source d'erreur, c'était une importante somme d'argent. Et là, on s'est aperçu que finalement, il n'y avait pas de difficulté auprès de la majorité des répondants, enfin même de tous les répondants. Alors cette somme importante d'argent, évidemment, était différente selon le profil. Pour certains, c'était extrêmement élevé, ou qu'on peut considérer extrêmement élevé, et pour d'autres, c'était vraiment, vraiment assez faible. Mais ça répondait toujours à cette notion de dépenses exceptionnelles et de besoins qu'il pouvait y avoir au-delà du quotidien. Donc ça, c'est les analyses qu'on a pu faire sur le questionnaire. En tout cas, c'est un des retours d'expérience que nous avons eu. Et c'est d'ailleurs la première véritable expérience qui était institutionnalisée sur des pré-tests de questionnaire au sein du CDSP. Il y en a eu d'autres, donc les cognitive interviews qui ont été réalisées dans le cadre de la préparation de la prochaine vague de l'ESS. Et donc c'est Simon qui va le présenter, je te donne enfin la parole. Suite à cette première expérience d'entretien cognitif avec le panel Ellipse, on a été amené à en réaliser d'autres avec l'enquête sociale européenne. Et en fait, la particularité de ces entretiens cognitifs, c'est que c'était les prétextes du questionnaire, mais l'enquête sociale européenne, par son ampleur européenne, en fait, elle peut entrer en compte un autre enjeu qui est la traduction des questions. Donc, on va essayer de regarder ces deux choses-là. Je vais d'abord vous présenter un petit peu le dispositif pour pouvoir en saisir les enjeux et ensuite on s'arrêtera plus précisément sur la traduction et sur la réalisation des entretiens cognitifs. Donc l'European Social Survey, c'est une enquête académique d'envergure européenne, donc académique parce que le questionnaire est élaboré par des équipes de chercheurs qui sont répartis dans l'ensemble de l'Europe. Puisque tous les pays européens participant à l'ESS sont représentés dans les équipes de chercheurs et peuvent participer à la création du questionnaire ou à l'actualisation du questionnaire. L'objectif principal de ce dispositif, c'est de collecter des opinions et les attitudes des Européens sur un ensemble de sujets ayant trait à la citoyenneté, au rapport à la politique, au rapport aux médias, etc., dans un objectif de comparaison des données, à la fois dans le temps, c'est-à-dire entre les différentes éditions de l'enquête, mais également dans l'espace, c'est-à-dire entre les différents pays participants. Et en fait, cet objectif comparatif, il nécessite que la méthodologie mise en place suive une très grande rigueur pour pouvoir affirmer que les différences qu'on constate dans le temps ou entre les pays sont bien liées à de réelles différences et ne sont pas induites par des biais méthodologiques. Donc c'est une enquête qui est réalisée tous les deux ans depuis 2002. Donc pour l'instant, il y a 9 éditions qui ont été réalisées. Les données de la 9e édition ont été mises à disposition du grand public la semaine dernière. Et en fait, on est déjà dans la préparation de la 10e édition de l'enquête. Le terrain de cette enquête va démarrer au mois d'octobre 2020. Mais en fait, voilà, c'est une enquête qui commence vraiment très en amont et qui se termine au moment du démarrage de la suivante, en fait. Une particularité de cette enquête, c'est que les résultats sont accessibles à tous. Ils sont mis à disposition sur le site de l'enquête sociale européenne. Ils sont libres et gratuits. Et donc, ils ne sont pas réservés à des chercheurs ou des étudiants, mais ils peuvent être également téléchargés par des décideurs politiques, par des journalistes ou par vraiment n'importe qui. Donc, c'est une enquête européenne. Donc là, on vous a modélisé un petit peu l'ensemble des pays participants. Et donc, ce qu'on remarque d'emblée, c'est que le niveau de participation est très différent d'un pays à l'autre. Donc on a des pays qui ont participé à l'ensemble des éditions, c'est les pays qui sont en rouge, donc généralement plutôt les pays de l'Europe de l'Ouest. Mais ensuite, la participation des pays est très variable au sein de l'Europe. Et donc ça peut être lié, par exemple, au fait de pouvoir rassembler les financements nécessaires à la réalisation de l'enquête, ou simplement au fait que des pays intègrent le dispositif petit à petit dans le temps. Un deuxième enseignement qu'on peut tirer de cette carte, en fait, c'est que malgré que cette enquête porte le nom d'européenne, elle est plus large que l'Europe au sens politique, puisqu'on va avoir par exemple la Suisse qui participe depuis la première édition, mais également de l'Europe au sens géographique, puisque des pays comme la Turquie ou l'Israël ont participé à plusieurs éditions de l'enquête. Donc il s'agit d'une enquête par questionnaire. Le questionnaire est divisé en modules, donc c'est-à-dire en parties thématiques. Une partie de ces modules est répétée à chaque édition, donc notamment tout ce qui est rapport aux médias, participation à la politique, bien-être, etc. Et une partie des modules sont appelés rotatifs, en cela qu'ils changent d'édition à édition. Donc il y a deux modules rotatifs à chaque édition qui abordent une thématique différente, et ainsi on a pu interroger les répondants sur l'immigration, sur la santé, sur la protection sociale, le changement climatique, les discriminations, etc. On vous a représenté ici les modules utilisés pour l'édition 9 de l'enquête. Et donc les deux modules rotatifs étaient d'une part sur les temps de la vie. Donc ça, c'était un module qui avait déjà été utilisé lors de l'édition 3 de l'enquête, qui permet en fait d'avoir une comparaison à une dizaine d'années d'intervalle. Et un deuxième module qui était sur la justice sociale et l'équité, qui est un module qui était pour l'instant inédit dans l'ESS. Donc la passation de ce questionnaire se fait en face à face, donc c'est-à-dire qu'on a un enquêteur qui va se rendre directement au domicile du répondant pour lui administrer le questionnaire. L'enquêteur est équipé d'une tablette sur laquelle apparaissent les questions qu'il pose oralement au répondant, et le répondant est équipé lui d'un carnet d'échelle de réponse qui lui permet de se positionner sans avoir à demander systématiquement à l'enquêteur de lui répéter les modalités de réponse. L'entretien dure généralement à peu près une heure et donc les résultats sont enregistrés directement sur la tablette de l'enquêteur, ce qui évite d'avoir à faire une saisie derrière des réponses. Alors, je l'ai dit, un impératif de l'enquête ESS, c'est la comparabilité des données. La comparabilité entre les pays participants, ce qui implique que tous les pays doivent utiliser une seule et même version du questionnaire, et une comparabilité également entre les différentes éditions de l'enquête, ce qui implique que les questions doivent être traduites de la même manière d'une édition à l'autre. Et donc il y a un enjeu fort dans la traduction des questionnaires, d'une part pour que tous les pays restent proches de la version source du questionnaire qui est en anglais, et d'autre part de garder une cohérence dans le temps. Donc, La coordination européenne de l'équipe fournit à l'ensemble des pays un questionnaire source en anglais que chaque pays va traduire dans sa langue nationale. Et lorsque des pays lorsque plusieurs pays partagent une langue commune, il va y avoir une harmonisation des différents questionnaires pour être sûr qu'on a une seule et même version dans ces pays. Donc c'est par exemple le cas pour la langue française, puisqu'on a la France, la Belgique et la Suisse qui utilisent des questionnaires en français. Donc on va essayer de on va essayer d'avoir le même questionnaire dans ces trois pays. Pour la France, il y a un seul questionnaire qui est utilisé, c'est celui en français, mais par exemple pour la Belgique, on a un questionnaire en français, un autre en flamand, et pour la Suisse, on a un questionnaire en français, un en allemand, un en italien, ce qui implique encore plus de réunions et donc un processus qui peut vite devenir très très, très, très chronophage et très, très compliqué à mettre en place pour garder une cohérence à tous les niveaux. Alors le processus de traduction du questionnaire ESS est très long puisque en fait il commence généralement après un an avant la passation du questionnaire sur le terrain. Tout commence avec un projet de questionnaire qui est soumis à des prétests. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus puisqu'on va y revenir tout à l'heure, mais il y a trois prétests qui sont utilisés, les cognitive interviews, l'advanced translation et l'omnibus tasting. Donc sur la base des résultats de ces pré-tests, on va faire un ensemble de modifications sur le projet de questionnaire. On va aboutir à un questionnaire source en anglais qui va être traduit dans l'ensemble des pays dans les langues nationales en suivant une méthodologie précise qui est la méthodologie TRAP sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Les traductions sont ensuite vérifiées par la coordination européenne. Il y a une harmonisation, là j'ai parlé d'harmonisation francophone, mais dans tous les pays qui partagent la même langue, on a le même genre d'harmonisation. Puis le questionnaire est validé. Il y a un codage SQP pour Survey Quality Predictor qui correspond un petit peu en fait au questionnaire dont parlait Mathieu au début de la présentation, qui est un espèce de questionnaire sur chaque question pour vérifier que la qualité de la question est forte. Et ensuite on arrive au questionnaire définitif en français qui peut être administré sur le terrain. Donc tout ce processus de traduction est très très encadré par la coordination européenne. L'idée de base en fait c'est d'arriver à trouver un équilibre entre avoir une traduction littérale de la question qui assure une proximité avec le questionnaire source et en même temps de favoriser la fluidité de la question pour que le répondant comprenne parfaitement de quoi il est question. Et donc, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, la passation du questionnaire se fait à l'oral. Le répondant ne peut pas lire la question et donc il est important que la formulation soit la plus claire possible pour éviter toute incompréhension. On essaye de conserver au maximum les traductions qui ont déjà été utilisées dans les précédentes éditions de l'enquête. Ça, c'est pour... C'est pour s'assurer qu'on continue de mesurer exactement le même concept et de permettre des analyses longitudinales. La traduction se fait selon la méthode TRAPT qui fait intervenir différents acteurs à différents moments de la traduction. Donc TRAPT, c'est pour Translation, Review, Adjudication, Pretest and Documentation. Et dans la partie traduction, en fait, on fait intervenir plusieurs traductions. Une traduction qui est réalisée par un ou une traducteur professionnel. Et une deuxième traduction qui est réalisée par un expert des enquêtes par questionnaire pour avoir les deux versants, à la fois le côté linguistique et à la fois le côté langue d'enquête. Ensuite, il y a une réunion de confrontation de ces traductions sur lesquelles on va arbitrer entre les différentes traductions, soit en choisir l'une ou l'autre, soit reconstruire une nouvelle traduction à partir de deux traductions existantes. Puis l'étape d'adjudication, en fait, c'est la comparaison entre le questionnaire source et les traductions validées. Ensuite, il y a des pré-tests sur lesquels on va revenir donc, sur la mise en situation des questions. Et ensuite, il y a toute une partie de documentation qui permet en fait, de retracer l'ensemble du processus et de le répliquer si nécessaire dans l'avenir. Et donc, l'objectif vraiment de ce processus très encadré, c'est d'avoir une cohérence des questions du début à la fin du questionnaire. Il n'est pas question, évidemment, d'utiliser des échelles de réponse qui varient en fonction du temps si en fait on cherche à mesurer la même chose, entre les différents pays et entre les différentes traductions nationales. Et donc, Cette étape, oui. Enfin, je ne sais pas si vous allez détailler, mais qu'est-ce que vous entendez exactement par la comparaison entre le questionnaire source et les traductions validées? Comment est-ce que ça se fait ça? En fait, l'idée de cette méthodologie TRAP, c'est simplement d'impliquer les acteurs différents pour avoir à chaque fois un regard neuf sur les traductions. Donc, dans la première étape, on va avoir du coup un traducteur plus un expert des sondages pour avoir deux visions différentes. Une personne va arriver en plus pour arbitrer entre les traductions, et puis ensuite on va avoir encore une personne qui va venir pour comparer entre les traductions qui ont été choisies et la version source en anglais pour vérifier qu'on s'en éloigne pas trop et qu'on passe pas à côté de quelque chose, parce qu'en fait dans les réunions on peut assez rapidement s'éloigner on peut laisser passer des enjeux sans forcément s'en rendre compte. Et donc là l'idée c'est vraiment de s'assurer que la traduction qu'on a retenue elle mesure bien tous les aspects de la question d'origine en fait. Et du coup ça c'est le profil de cette personne, ce sera... Ça dépend. Ça, je pense que ça dépend beaucoup dans les équipes. En l'occurrence, en France, vu que ça se fait au sein du CDSP, généralement, c'est quelqu'un qui est expert de la méthodologie d'enquête. Mais je pense que ça peut changer aussi. Ça peut changer en fonction des pays. Et alors, on arrive aux erreurs qui peuvent être induites dans cet exercice de traduction, qui sont de plusieurs ordres en fait. Tout d'abord, il y a un premier écueil qui est tombé dans un jargon d'enquête. Donc en gros, l'idée c'est de s'assurer que on va bien poser aux répondants une question qu'il est susceptible de se poser et qu'on va pas partir dans quelque chose de soit trop complexe, soit trop simplifié qui s'éloignerait de la question. Garder toujours cet équilibre en tête. Un second obstacle, c'est la langue commune. Et par langue commune, en fait, j'entends surtout la langue source, qui est l'anglais, puisque du coup, on est dans des discussions internationales, donc l'anglais est la langue de référence, mais elle comporte un certain nombre de problèmes. Les questionnaires rédigés en anglais comportent souvent en fait des formules qui sont très pratiques en anglais, comme How confident are you in your own ability? How able do you think you are? To what extent do you agree or disagree? How much time do you spend using the internet? Et en fait, c'est des questions qui vont être pratiques et qui vont faire sens en anglais, mais qui vont donner lieu à des traductions qui sont très compliquées, et on va être obligé d'aller vers des formulations qui sont quelle est la probabilité que, et ce qui implique que le répondant sache ce que ça veut dire la probabilité, soit capable de répondre en termes de... Enfin voilà, ça pose un certain nombre de problèmes, mais du coup cette langue commune, puisqu'il en faut une en fait, ça pose la question de est-ce que l'anglais est vraiment la langue commune idéale, est-ce qu'une autre langue source pourrait être intéressante, mais quelles seraient les limites de cette langue, et également est-ce qu'il serait possible par exemple de fournir un questionnaire en anglais dans un anglais international, donc un petit peu épurer toutes ces formulations difficiles à traduire. Je ne sais pas s'il y a vraiment des réponses là-dessus, mais voilà, c'est des questions qui sont soulevées quasiment à chaque édition de l'enquête en fait. Et enfin, il y a des dérivations qui sont liées aux contextes nationaux. Donc je vous ai mis un certain nombre d'exemples, mais je pense qu'on pourrait dérouler la liste pendant très longtemps. Sur la manière de nommer des institutions, dans certains pays, on va parler du gouvernement, des pouvoirs publics, de l'État, sur des choses qui sont quand même assez proches et pour lesquelles on pourrait peut-être trouver une formulation plus simple, mais en fait, les contextes nationaux vont faire que on va être obligé d'utiliser telle ou telle appellation. Sur les élections, on va avoir les élections, on vote beaucoup avec la Suisse qui va parler de votation souvent, il y a le référendum qui va s'articuler avec tout ça, donc est-ce qu'on parle exactement de la même chose à chaque fois? C'est pas certain. Ou alors pour décrire des populations spécifiques, entre réfugiés, demandeurs d'asile, etc. On a toujours des discussions, à propos de ça. Et en fait, tout ça, ça amène à se poser la question quelle est la bonne traduction pour une question. Et en fait, il n'y a pas de bonne traduction, ou plutôt il y a une multitude de bonnes traductions. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, ça implique de faire des choix, et que chacun de ces choix, ils vont avoir un impact sur la compréhension de la question. Et donc voilà, c'est pour ça que faire intervenir une multitude d'acteurs, ça permet de faire les choix les plus éclairés possibles et de bien quadriller le terrain. Donc après le premier enjeu qui était la traduction, donc qui comporte un certain nombre de problèmes qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la compréhension des questions, on a été amené à réaliser un certain nombre de pré-tests dans ESS. Alors il existe plusieurs pré-tests, nous on a déjà participé à deux pré-tests sur les trois. Donc on a déjà participé à l'Advanced Translation lors de l'édition 8, je crois, de l'ESS. Alors l'Advanced Translation, donc c'est une traduction anticipée qui est réalisée dans trois pays participants à l'enquête et qui consiste à faire une traduction commentée de 70 questions du questionnaire. Et qui permet en fait de mettre en lumière un certain nombre de problèmes vraiment spécifiques à la formulation et à la traduction. Ça peut être des problèmes culturels, des problèmes institutionnels, des problèmes grammaticaux ou syntaxiques, des problèmes liés à la formulation de la question, à des incohérences, à des problèmes de clarté, etc. Donc là, c'est vraiment pour travailler spécifiquement sur la formulation des questions. Il y a un deuxième pré-test qui est l'omnibus testing, qui est également réalisé dans trois pays participants à l'ESS. Et donc qui consiste dans la traduction et la passation de 60 questions du questionnaire ESS dans une autre enquête. Et donc là, l'idée, c'est plus d'avoir un test quantitatif qui permet à la fois d'avoir une vision sur la distribution des réponses, de vérifier qu'il n'y a pas un gros problème dans la distribution des réponses qui pourrait cacher une mauvaise conception de la question, ou également de vérifier qu'il n'y a pas des taux de non-réponse incroyables pour X raisons, et voilà, de contrôler un petit peu tout ça. Et enfin, on a les cognitive interviews, donc sur lesquelles nous on a travaillé récemment pour préparer l'édition 10 de l'enquête. Donc là, il y avait 5 pays qui étaient participants, donc la France, la Finlande, l'Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni. Et du coup, l'idée, c'était de faire la traduction d'une vingtaine de questions, puis de réaliser les entretiens cognitifs. Et donc, ces 20 questions étaient réparties en deux protocoles. Un protocole qui avait pour thème la perception de la démocratie, et un autre qui était sur les contacts sociaux digitaux, qui sont en fait les deux modules rotatifs qui prendront place dans l'édition 10 de l'enquête. Pour réaliser ces entretiens cognitifs, il y a eu le recrutement d'une vingtaine de répondants en respectant un certain nombre de quotas, donc de sexe, d'âge, de niveau de diplôme, de situation professionnelle, en fonction de la présence ou non d'un enfant au domicile, de l'intérêt du répondant vis-à-vis de la politique, ainsi que de l'origine ethnique. Et donc en France, le recrutement a été réalisé par un institut d'études spécialisé. Les entretiens ont été réalisés soit dans nos locaux au CDSP, soit au domicile du répondant. Et en fait, à la fin de ces cognitive interviews, il y a eu une réunion de restitution commune entre tous les pays qui a permis donc de faire émerger des enjeux majeurs, mais également des enjeux spécifiques à chaque pays. Donc ça a permis en fait d'avoir une vision vraiment très diverse des contextes nationaux, et que les questions ne posent pas forcément les mêmes problèmes en France, en Allemagne ou en Pologne. Voilà. Et donc tout ça, c'est vraiment un dispositif très très cadré pour s'assurer encore une fois que tous les prétextes étaient réalisés dans les mêmes conditions. Et donc je vous propose une petite restitution sur quelques questions qu'on a posées aux répondants. Donc le premier, c'est donc la question d'origine était: How often do you meet socially with friends, relatives and or work colleagues? Donc qu'on avait traduit par: dites-moi s'il vous arrive en dehors du travail de fréquenter des amis, des membres de votre famille ou des collègues. Et l'objectif ici était d'appréhender la compréhension du terme fréquenté, qu'on avait utilisé en français, qui était meet socially en anglais. Et donc en fait, on a eu des réponses assez diverses. Certains estimaient que fréquenter, c'était ce qui relève de la vie privée, donc ce qui n'avait pas de lien avec le travail. D'autres ont plutôt pensé qu'il s'agissait de rencontrer quelqu'un en face à face, quel que soit son d'où qu'ils viennent. D'autres ont plus rapproché le terme fréquenté du domaine de l'amitié. Et pour d'autres, c'était plus lié à des activités sociales comme prendre un café, partager un repas, faire des loisirs à plusieurs. Et donc, ce qui nous est apparu, c'est que le terme fréquenté paraît plus large que le terme meet socially en anglais. Mais que dans le même temps, c'était compliqué de trouver une traduction qui soit à la fois simple et concise pour retranscrire le meet socially anglais. Et donc, ce qu'on a suggéré à la coordination européenne, c'est d'éviter autant que possible d'utiliser ce terme de meet socially. Et une deuxième recommandation qu'on a fait, en fait, c'était de décliner la question en fonction des trois groupes, donc les amis, la famille et les collègues, puisque en fait, ça permettait, ça aurait permis d'avoir des réponses plus précises de la part des répondants. Une deuxième question, alors en fait ça c'est. Donc en fait il y avait deux questions parce que les répondants étaient divisés en deux sous-groupes. Un sous-groupe répondait à la première question How familiar are you with the following computer and internet related items? Donc à quel point les éléments suivants liés à l'informatique et à internet se sont-ils familiers? Et le deuxième sous-groupe répondait à What is your level of understanding of the following computer and internet related items? Quel est votre niveau de compréhension des éléments suivants liés à l'informatique et à internet? Et donc les éléments suivant, c'est d'une part le format JPEG et d'autre part le réglage des paramètres. Et donc là, l'idée, c'était de comprendre comment les répondants comprenaient le terme être familier, comment ils comprenaient le terme niveau de compréhension et quelles étaient les différences de compréhension entre familiarité et niveau de compréhension. Ce qu'on remarque en fait dans les entretiens, c'est qu'il n'y a pas réellement de différence entre familiarité et niveau de compréhension. Certains vont plutôt parler d'une utilisation expert professionnelle par niveau de compréhension, rentrer dans les spécifications techniques d'une norme ou d'un format. Et par contre, dans familier, on va plus avoir le fait d'être habitué à l'utiliser, mais c'est quand même des choses qui sont très très imbriquées. Et en fait, ce qui nous est apparu, c'est que c'était surtout l'âge des participants qui avait une grande influence sur les réponses obtenues, et que c'était des questions qui étaient plus compliquées pour les répondants plus âgés, alors que pour les jeunes, généralement, ça ne posait pas de problème. Une autre question qu'on a testée, c'était « Do you belong to a minority ethnic group in France ?» Faites-vous partie d'une minorité ethnique en France ? Et l'idée était de comprendre comment était perçu le terme « minorité ethnique ». Donc là, on a eu des questions très très diverses. Ça pouvait être lié au fait d'avoir ou non la nationalité française. Ça pouvait être lié au sentiment d'appartenance à la majorité dans le pays, enfin à une majorité dans le pays. Le fait de se sentir différent, que ce soit par sa couleur de peau, ses origines, sa culture, son mode de vie, sa religion, ou des sentiments un peu plus intimes sur le fait de se sentir inférieur, de se sentir menacé, de se sentir vulnérable, ou encore sur une appartenance géographique, par exemple le fait de vivre dans un ghetto. Ce qui est ressorti surtout dans cette question, en fait, c'est que les participants se sentaient généralement gênés par cette question, que certains ont pu se sentir offensés, et parce que du coup, elle était jugée vraiment trop délicate pour être posée de cette manière-là. Donc, nous, la recommandation qu'on a fait en fait à la coordination européenne, c'est plutôt que de poser une question directement sur l'appartenance à une minorité ethnique, il aurait été préférable de collecter des informations sur les aspects connectés à cette question, comme par exemple la religion, les origines familiales. On peut également en identifier d'autres, mais voilà, essayer d'identifier la réponse à cette question en passant par des questions un petit peu autour. Et alors, une dernière question que je vais vous présenter, la question était « How important do you think it is for a country to have a strong leader in government, even if the leader breaks the rules to get re-elected ?» Donc selon vous, à quel point est-il important pour un pays d'avoir un dirigeant puissant au pouvoir, quitte à ce que ce dirigeant transgresse les règles afin d'être élu ? Et donc il y avait deux termes qu'on voulait tester, c'était dirigeant au pouvoir. Donc là on a eu des réponses encore une fois assez diverses, puisque certains parlaient plutôt d'une fonction. Ils ont évoqué le fait que ce soit le président, le premier ministre, le ministre, le sommet de l'État. D'autres ont plutôt ont plutôt ciblé des pays spécifiques, comme par exemple la Chine ou la Corée du Nord. D'autres ont directement donné le nom de certains dirigeants, donc on a eu du Macron, du Chirac, du Orban, du Poutine, du Sarkozy, machin. Et enfin, d'autres ont plutôt essayé de donner une définition un petit peu plus large, donc quelqu'un qui a du pouvoir, qui prend des décisions, qui a un impact sur les lois et sur la vie des gens. Une deuxième expression qu'on voulait tester, c'était le fait de transgresser les règles afin d'être élu. Qu'est-ce que ça pouvait évoquer aux gens? Donc là, certains ont parlé d'un coup d'État, d'installer une dictature, de falsifier des élections, de permettre à un autre pays de, de, de, d'avoir une influence en France, de corrompre, de mentir, ou des choses un petit peu plus ténues comme le non-respect du temps de parole dans les élections, le non-respect du fonctionnement institutionnel, des choses qui sont peut-être un petit peu moins définies. Et en fait, ce qui nous a semblé, c'est que malgré des conceptions très diverses sur un thème comme sur l'autre, en fait, il n'y avait pas de réelle difficulté à comprendre cette question, parce que en fait, la plupart des réponses correspondaient vraiment à ce que posait la question, même si on n'était pas exactement sur les mêmes termes. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ESS. Je vais laisser la parole pour la conclusion. Oui, donc une conclusion rapide de notre séance, c'est qu'on vous suggère de toujours tester vos questionnaires parce que vous allez être surpris et surprise par la façon dont les gens comprennent vos questions, si jamais vous ne les testez pas. Il n'y a aucune méthode qui est exclusive, qui est recommandée exclusivement. Essayez plusieurs méthodes, ça va pouvoir contribuer à des résultats optimaux. En ce qui concerne les entretiens cognitifs sur lesquels nous avons fait un focus, c'est un test très approfondi des questions qui permet de prendre en compte l'expérience du répondant avant de décider de la forme définitive du questionnaire. Donc c'est un grand avantage de cette méthode. Et elle permet de détecter l'émergence de différents biais, les processus cognitifs ou donc les processus mentaux qui sont à l'origine de ces biais. Et c'est une méthode particulièrement appropriée lorsque la problématique de compréhension est complexe, comme c'est le cas d'études menées dans un environnement multilingue. Merci beaucoup. Merci. Donc, il y a une question. On introduit les exercices aussi. On va voir si on a le temps. Le sociologue et l'épidémiologiste, j'ai juste une question sur votre enquête et sur la traduction. Quand vous dites, vous parlez de France, vous parlez de France métropolitaine, oui. Sinon vous avez, vous avez pas été confronté au problème des deux. Alors, ouais, non. Pour le coup, en fait, étant donné qu'on passe par un institut de sondage pour qui a un fort vivier d'enquêteurs qui peuvent se rendre au domicile des répondants, il est très compliqué de savoir ce que d'aller en Corse. Parce qu'en fait, ils ont généralement pas d'enquêteurs qui sont en Corse ou dans les dom-toms. Et du coup, ce serait un coût exorbitant d'envoyer des gens pendant 3 mois faire des entretiens. Autre question, je prends le micro. Par rapport aux méthodes de validation des échelles psychométriques, traduction par traduction, quelle est la différence? Est-ce que vous avez essayé? Peut-être est-ce que c'est adaptable sur les questionnaires d'opinion, de comportement, les méthodes mises en place par les psychosociologues pour valider et revalider les échelles psychométriques? En tout cas pour parler de ESS spécifiquement, il n'y a pas tellement cet enjeu-là parce qu'on est vraiment incité fortement à reprendre les échelles utilisées dans les éditions précédentes de l'enquête, donc on n'a pas tellement de marge de manœuvre de ce point de vue-là. Mais je pense que c'est des choses qui sont discutées, mais plus au niveau méthodologique et au niveau européen. Donc on n'a pas forcément toujours accès à ces discussions-là. Est-ce que je peux poser une troisième et petite question? Pour les entretiens cognitifs, c'est vraiment sur le champ sémantique. Vous n'avez jamais essayé de voir si on pouvait adapter cette méthode à la structure du questionnaire en demandant, par exemple, vous comprenez les effets de halo, est-ce que vous pensez que cette question est bien située par rapport à la précédente ou est-ce que vous êtes influencé? Vous avez essayé? C'est juste à titre exploratoire. C'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place dans la mesure où lorsque vous vous penchez sur un ensemble de questions limitées, vu que le temps de passation il est forcément limité, parce que c'est très engageant pour la personne qui participe aux entretiens, c'est plutôt jamais le cas. Mais on peut imaginer une démarche un peu innovante qui consisterait éventuellement à tester si un effet halo existe. Mais bon, c'est une démarche plutôt expérimentale qui serait à mettre en place. Mais je ne sais pas si c'est vraiment dans le cadre de cette procédure. C'est plutôt une démarche à part qui serait un peu singulière, plutôt un projet de recherche un peu ponctuel ou éventuellement à réaliser à plusieurs fois, quoi. Mais c'est pas forcément dans ce cadre-là. C'est pas une procédure standard. Même le donner. Merci. Mais c'est intéressant comme projet. Bonjour, Marie-Nélie, chargée d'études de l'Institut. notamment pour les langues extra-européennes, japonais, et on rencontre un problème avec la question du niveau du domaine. J'aurais voulu savoir comment est-ce que vous avez posé cette question dans votre étude. Ben en fait, les données sont diffusées par la coordination européenne selon la codification ISCED. Et c'est le même problème pour les professions parce qu'avec la codification ISCO, c'est exactement la même chose. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que nous, on pose la question dans le questionnaire français selon le schéma d'études qui en France pour que les répondants soient aptes à répondre. Et ensuite, on a fait une table de passage qui est certainement pas la meilleure, mais je sais pas s'il y a vraiment une table de passage idéale entre du coup la question qu'on pose nous en France pour les diplômes et la codification ISCED derrière. À la limite, c'est pas pour le niveau d'études que c'est le plus compliqué, c'est plutôt pour la profession parce que du coup ça tombe jamais juste et c'est vraiment compliqué à mettre en place. Merci. C'était juste pour rebondir sur cette question des effets de jour qu'on doit tester sur les entretiens cognitifs. Ça me fait penser qu'il y a certaines questions en entretien cognitif qui sont peut-être posées un petit peu bizarrement, parce qu'on essaye de substituer le répondant au concepteur de l'enquête. Et du coup, on lui demande est-ce que vous trouvez que cette question est bien posée, qu'est-ce que vous pensez que cette question cherche à mesurer, etc. Et c'est pas forcément l'objectif de la méthode, en fait, de remplacer le concepteur de l'enquête par le répondant et de demander au répondant comment il aurait construit l'enquête lui s'il avait été concepteur d'enquête, en fait. Du coup, peut-être que les effets de l'eau, ça rentre un peu dans ce genre de... C'est-à-dire sur une norme, est-ce que vous pensez que ce dépend devrait être plus haut, plus bas, etc. Donc, vraiment, il n'y a pas forcément une compétence technique pour décider de ça, mais il a une autre chose qui est son expérience de répondant, c'est plutôt ça qu'il faut tester, sa maîtrise technique de la conception de questionnaire. Sinon, j'avais juste une question très rapide sur la question sur le JPEG et sur les résultats. Donc, on a dit que la question était plus difficile pour les personnes âgées. Est-ce qu'elle est plus difficile dans le sens où ils maîtrisent moins le JPEG ou est-ce qu'elle est plus difficile dans le sens où ils ont plus de mal à voir ce que c'est que maîtriser le JPEG? Les deux. C'est parce qu'ils ont moins d'habitude d'utiliser certains outils, certains. Mais c'est pas non plus tout le monde. Hein. Mais en général, c'est plutôt oui. C'est la chose qui pose problème, c'est pas. C'est-à-dire que je pense que le fait de savoir, ne serait-ce que de savoir ce que c'est que le format JPEG, c'est quand même plus fréquemment le cas chez les jeunes que chez les personnes âgées. On n'avait pas ce problème sur le réglage des paramètres où là tout le monde savait à peu près ce que c'était. C'était ah ben ça, je peux le faire sur mon téléphone, etc. Même si je sais pas le faire ou si je m'y perds quand je rentre à l'intérieur, je sais à peu près ce que c'est. Sur le JPEG, on a eu des réponses pour lesquelles c'était. Enfin, je sais pas de quoi vous me parlez. Oui, parce que c'est une question difficile à comprendre. Qu'est-ce que c'est avec le JPEG? Oui. Et après, il y a pu avoir l'année où ça a été créé, etc. Ou est-ce que c'est ça par l'objet? Mais on peut dire à coup sûr qu'une personne qui sait ce que c'est un JPEG maîtrise un JPEG. Après, il y a eu dans le sens commun, c'est la même chose. Il y a eu l'expérience d'une personne qui est photographe et qui travaille avec du JPEG, des formats d'image toute la journée. Qui peut, est-ce que je le maîtrise? Ben non, pas vraiment. Et puis qui ensuite a donné une définition pendant 5 minutes. Ah bon, ok. Mais qui ne considérait pas vraiment maîtriser la notion de JPEG. Donc voilà, c'est aussi ces différences aussi qu'il faut pouvoir juger. Moi, j'ai une question sur le cadre de l'entretien cognitif. Est-ce que vous explicitez en début d'entretien aux invités que c'est justement l'entretien cognitif qui vise à améliorer le questionnaire? Ou est-ce que, du coup, c'est plutôt un entretien collaboratif avec la personne? Oui, tout à fait, on explique. Ouais, il y a toute une présentation, alors c'est nous ce qu'on a souhaité mettre en place, mais toute une présentation quand même de la démarche et de ce qu'on va faire, comment l'entretien va se dérouler et les raisons pour lesquelles on le fait. Et donc comment ça va se dérouler en leur disant on va vous poser une question, vous allez y répondre et puis par la suite vous allez être relancé, voilà, etc. On va leur préciser aussi si on veut que justement ils nous fassent part de leur réflexion à voix haute pendant tout le process de l'entretien. Ou pas. Mais tout ça, ouais, tout ça, c'est expliqué pour pas non plus qu'il y ait de mystère non plus entre nous et partir avoir une qui est aussi un lien qui se passe entre l'intervieweur et l'interviewé, et que ça se fasse assez naturellement, qu'il n'y ait pas trop de biais de désirabilité, par exemple, à vouloir trouver des réponses qui n'en sont pas, essayer de rester dans un certain confort. Et pour ça, ça me paraît essentiel justement de présenter la démarche qu'on souhaite avoir et comment va se dérouler l'entretien. Donc, on va avoir accès à la présentation, par exemple, est-ce que vous employez le cognitif, parce que c'est pas un mot qui est hyper répandu non plus pour les enquêter et tout. Non, on explique plutôt la démarche qui est subjective. Et c'est vrai qu'il y a un risque que quand on présente la démarche aux gens, en fait, ils essayent d'être un peu créatifs, si vous voulez. Donc ça, c'est un danger, c'est-à-dire qu'ils commencent à tenter des choses qui, finalement, on voit bien qu'ils sont en train d'inventer un peu, ils ont l'impression de se mettre. Mais ça, c'est le biais qui est présent dans la plupart d'entretiens, pour être qualitatif, que les gens, ils veulent se montrer, ils vont être originaux, etc. C'est pas forcément désirable dans ce cadre-là. Et j'ai une deuxième question, c'est est-ce que vous avez des références à nous donner, par exemple quand on veut appliquer cette méthode dans un article, qu'on puisse donner une référence en bibliographie sur ce qu'est un entretien cognitif ou pas. Est-ce que ça a été codifié dans la littérature? En français, non. Pas en bibliographie, quoi. Pas, en anglais, oui. En anglais, oui. Il y a moyen de vous donner une petite bibliographie. Mm-hmm. Merci. Oui, donc Benoît Tudou, je voudrais revenir sur la phase de recrutement et au niveau de l'argumentaire. Comment vous pouvez, on ne parlait pas bien sûr de l'entretien cognitif, mais comment vous argumentez, comment vous captez les gens, vous leur demandez de venir participer à une enquête, de valider un questionnaire en cours de validation. Enfin, la lettre qu'on envoie d'habitude aux enquêtés, quels sont les principaux arguments que vous déployez pour recruter les personnes? Alors là, il n'y a pas vraiment d'argument en soi, parce qu'on est passé par un prestataire externe qui a des personnes qui se sont inscrites pour pouvoir participer à des enquêtes et pour lesquelles ces personnes s'engagent à ne pas répondre. C'est pas professionnalisant, et c'est des personnes qui ont répondu à des enquêtes peut-être il y a 6 mois ou 1 an, mais de manière très espacée. Et à partir de là, le prestataire a dans sa base certains critères et leurs profils socio-démo. Nous, on leur donne également les personnes qu'on souhaite recruter. Et à partir de là, ils nous font des propositions et on peut avoir accès à ces personnes. Ils les contactent directement, les personnes acceptent ou pas. Et après, ça nous permet d'avoir les quotas qu'on avait définis ensemble. Mais l'objectif d'amélioration des questions, il est présenté, je pense, pour c'est certainement le cas. Il y avait l'information comme quoi on vise à approfondir le. Oui, que ça va être un test sur un questionnaire. C'est plutôt donné d'anglais. Au départ, c'est de manière assez succincte. Ça reste succinct, les gens ne comprennent pas forcément d'anglais à quoi va correspondre la démarche. Ce qui parfois est assez surprenant pour eux, et il faut effectivement essayer d'être compréhensif et puis savoir comment interpréter certaines réactions. C'est vraiment succinct. Parfois, des personnes sont habituées à répondre à des tests pour des marques ou des choses comme ça qui sont plus commerciales. Et ils sont étonnés. Ah, ben, j'avais pas compris que c'était pour quelque chose pour la recherche, pour améliorer un questionnaire, etc. Ils restent intéressés de toute façon par la démarche. Donc, c'est souvent très, très bien pris, au contraire. Mais il y a des cas aussi où c'est mal pris, ça arrive aussi. C'est-à-dire, c'est pas toujours forcément positif. L'effet surprise, il peut être positif comme il peut être négatif parfois aussi. Après, on n'essaie pas de créer cette surprise. C'est, mais elle existe parce que l'habitude des gens qui sont souvent recrutés dans ce cadre-là, elles sont différentes. Mais ça n'empêche pas de la recruter comme ça, de toute façon. Juste une c'est toujours des entretiens individuels, c'est une seule personne. On n'essaie pas d'avoir la vie de deux personnes ou plein d'interactions, des choses comme ça. Là, nous, on a réalisé que des entretiens cognitifs. Alors, dans le cadre de SS, de toute façon, on n'avait pas. Ça se passe comme ça. Ensuite, il y a la possibilité, quand on ne l'a pas présenté, mais de faire des focus groupes, donc d'avoir plusieurs personnes et de lancer une discussion ensuite. C'est d'autres difficultés. Ça apporte aussi d'autres avantages, évidemment. Nous, ce n'est pas quelque chose qu'on a mis en place et on n'a pas trouvé que ça se prêtait au test de questionnaire qu'on voulait faire. Mais surtout qu'il y a une influence qui se met en place. Qui n'est pas forcément un phénomène désirable. Donc, c'est envisageable, effectivement. Oui, tout à fait. Oui, moi j'aurais une question, Yannick Salina, observateur public du changement. Si j'ai bien compris, dans le trait cognitif, d'ailleurs c'est ce qui est sur la diapo, ça permet de tester la compréhension et la perception des questions, mais ça ne permet pas de savoir si la question est de qualité, enfin de qualité psychométrique, enfin est-ce qu'elle apporte quelque chose. Notamment dans l'ESS, il y a plein d'échelles de questions d'opinion d'attitude, mais de mémoire, je n'ai pas vu d'études psychométriques sur la qualité de ces échelles. Est-ce qu'elles mesurent bien ce qu'ils sont censés mesurer, notamment ben, sur le PNG, sur le JPEG, sur le PDF. Est-ce que la question est pertinente? Est-ce qu'elle apporte quelque chose à l'échelle qu'on a en tête, l'échelle d'attente, de familiarité avec les outils informatiques? Donc du coup, est-ce que dans l'ESS, il y a des méthodes qui relèvent de la psychométrie, notamment ben, par exemple des pré-tests de thèmes dans les... qu'on met avant de la nouvelle passation, pour voir s'ils fonctionnent bien, parce qu'on n'appelle pas les systèmes encre. Enfin, est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des méthodes psychométriques qui sont utilisées? Moi je peux vous répondre au niveau des pays en fait. Il n'y a pas de prétexte spécifique qui sont mis en place dans chaque pays en fait. Il y a certainement, et j'en suis pas sûr, mais il y a certainement des tests qui sont effectués par des instituts de recherche, notamment je pense au GESIS, qui doivent travailler sur ces sujets-là. Mais en l'occurrence, ils ne font pas appel aux équipes nationales pour les mettre en place sur le terrain. Ça permet, par exemple, enfin, on peut très bien avoir des questions qui ne sont pas des questions, enfin, ce qu'on appelle des questions qui ont des fonctionnements différentiels, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas justes, des questions qui sont plus ou moins faciles selon l'âge des individus, selon l'origine ethnique, l'origine nationale, etc. Du coup, ces questions-là, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les poser? Est-ce qu'on pourrait pas, enfin voilà, c'est ça ma question. On est toujours amené à avoir beaucoup de discussions avec la coordination européenne sur la présence de telle ou telle question dans le questionnaire. Il y a toujours des questions problématiques et en plus les questions ne sont pas jugées problématiques dans les mêmes pays de la même manière. Donc en fait c'est ça qui crée toute la difficulté de la chose, c'est que je pense que si tous les pays donnaient la liste des questions problématiques dans le questionnaire ESS, il n'en resterait pas des masses à la fin. Et du coup c'est aussi des choses que nous on peut trouver problématiques qui ne sont pas forcément pour d'autres. Et voilà. Une dernière précision, mais les entretiens cognitifs, ça ne se substitue pas aux entretiens pilotes. Non. Le seul objectif ici, c'est de, si on considère qu'une question est de qualité dans ce cadre-là, c'est qu'elle est comprise de la même façon que selon l'intention des chercheurs, des concepteurs. On ne peut pas juger la pertinence de la question à partir d'autres critères. C'est le seul critère ici, c'est celui-là. Donc les considérations théoriques, elles sont complètement en dehors de cette méthode. Pour rejoindre aussi l'autre question qui a été posée tout à l'heure. D'autres questions ? On voulait lancer une... Je ne sais pas si on... On a préparé une petite animation si, pour ceux qui ont le temps et qui ont envie. Et donc on a imaginé quelques exemples de questions et on voulait vous proposer de réfléchir ensemble sur déjà dans un premier temps d'avoir votre opinion sur des problèmes qui peuvent exister dans ces questions. Si on pose ces questions-là, est-ce qu'il y a des problèmes de compréhension que cette question peut poser, et éventuellement par la suite, quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour les améliorer. C'est-à-dire, si on imagine un test cognitif de cette question, comment on s'y prendrait. Donc, ce serait peut-être utile aussi d'afficher quelques diapos d'avant sur la partie technique, et puis les questions elles-mêmes. Alors, ce sont des questions comme ça. Ça marche. Alors, voilà, on a une première question comme ça. Maintenez-vous une activité physique régulière avec une proximité de réponse binaire Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît problématique dans la faisant cette formulation de question? Voilà. Donc on a déjà un premier avis. Vous êtes expert, donc vous avez donné votre premier avis. Si maintenant vous souhaitez éventuellement tester cette question pour confirmer votre vision, comment vous pouvez vous prendre au test de cette question avec les méthodes qu'on a détaillées un peu par ailleurs. Ah non, ça marche pas. Ouais, je voulais afficher juste l'autre. Alors, comment on pourrait tester cette question avec différentes méthodes qui ont été... comment vous y prendrez? On peut proposer une paraphrase, effectivement. Pour qu'elle explicite les sens communs. Ben oui, ça me paraît pertinent. Je pense que vous aussi. Est-ce qu'il y a d'autres... On pourrait commencer par la paraphrase et puis relancer sur, par exemple, avec une relance sur la compréhension de chaque terme qui nous paraît suspect, qui est susceptible d'être ambigu dans cette phrase. Ok. Le degré de certitude aussi, peut-être. Comment ? Le degré de certitude. Voilà, ça c'est une impression de félicité. C'est une pratique ce qu'elle fait. Effectivement, et degré de certitude, peut-être aussi le degré de difficulté éventuellement, si. Mais c'est peut-être plutôt un degré de certitude qui serait utile de mesurer ici. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez plus ou moins ce qu'on peut faire ? Déjà, on peut faire penser la personne à voix haute. On lui demandait de commenter. On commençait déjà par ça, de commenter spontanément ses réflexions lorsqu'elle voit la question. Le niveau de difficulté, il me semble qu'il y en a un dans le fait qu'on a à la fois maintenir et régulier, qui sont deux termes. Enfin, c'est quand il y a des télescopages de termes, je pense que c'est tu ressens de la difficulté, comme vous disiez que c'était souvent lié à la certitude, mais la difficulté de compréhension, bien souvent, le fait qu'il y a des mots qui vont pas bien ensemble, comme dans l'exemple que vous donniez avec How often, etc. Le verbe fréquenter, dans fréquenter, il y a fréquence. Donc, qui indirectement connote la répétitivité de l'action. Mmh. Mais c'est pas la même chose. Donc, il me semble que ça, c'est dans la difficulté. D'accord. Bon, ça me paraît tout à fait pertinent. Donc, on peut utiliser éventuellement les deux échelles pour confirmer, pour regarder déjà si les réponses des gens sont corrélées, s'ils trouvent la question à la fois difficile et puis qu'ils ne sont pas très sûrs de ce qu'ils ont répondu. Commencer par exemple par déjà demander un commentaire libre à voix haute et ensuite relancer sur certains termes ou bien sur l'ensemble des termes douteux et demander également ces deux évaluations. Donc ça c'est une approche que vous pouvez adopter dans ce cas-là. On essaie une question suivante. Oui. Alors. Alors, qu'est-ce qui peut poser problème ici? Qui a fait cette question? Le terme d'entourage, déjà, c'est... Alors, le terme d'entourage, effectivement, il est ambigu. On ne sait pas ce qu'il c'est, ce que c'est, est-ce que c'est dans un jardin, est-ce que c'est dans... C'est surtout une diminution très faible. Comment ? C'est une diminution très faible, il y a un gros risque de biais, là. Parce qu'instinctivement, on a envie de dire, le mot envoiderait-il, on peut le remettre très faible, mais en fait, c'est l'inverse. Voilà, donc ça, c'est un autre problème. Ben Déjà, au cours de la dernière décennie, malgré tout, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est les 10 dernières années ou est-ce que c'est dans les années 2010 ? Voilà. Ça, c'est... Oui, dans les années... Mais, ouais, c'est la dernière décennie, ce serait... Ouais. Non, mais ça peut être à partir de 2009 ou à partir de 2010. Bon, il faut être un peu... Ça peut être ça, mais souvent, ce type de formulation, on peut l'avoir. Souvent, quand on pose la question par rapport à l'année dernière, à l'année passée, on ne sait pas trop si on parle de 12 derniers mois ou on parle de 2019, par exemple, ou 2019. Ça peut compter dans certains contextes, quand même. Amphibien, c'est pas du jargon scientifique ou amphibien, c'est pas un truc que un mot que tout le monde entend. Voilà, donc ça c'est le problème, c'est des termes qui sont un peu techniques. Juste du codage, est-ce que c'est pas compliqué de choisir les différents échelles? Donc on a une échelle, on a une matrice. Donc la matrice, ça peut poser tout un ensemble de problèmes, déjà au niveau de... Du positionnement, et puis il y a une tentative quand même de cocher toujours la même chose. Donc ça, c'est encore un problème aussi à tester, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il n'y a pas un test à faire sur les modalités de réponse? Parce que en fait, c'est pas symétrique entre très faible et extrême. On s'attend à ce que ce soit très faible ou très fort, ou alors extrême et inexistante, ou un truc comme ça. Tu vois. Donc on va avoir un autre problème ici. Donc du coup, pour tester tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on revient à des techniques, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment s'y prendre pour tester? On peut faire du tridimensionnel. Je donne des pistes. De faire des dessins. Donc on peut, certaines techniques on peut utiliser les mêmes, on peut toujours faire parler à la personne, ça je ne répète pas, mais ça c'est toujours, ça c'est quasiment une technique qui s'applique partout. Ensuite, sur tous les termes qu'on a vus qui sont un peu techniques, un peu inhabituels, etc., on peut toujours lancer sur la compréhension. On peut également... la réponse sur la compréhension, elle va concerner tous les termes qui sont douteux. Et enfin, vous allez pouvoir aussi utiliser le tri. Donc vous allez demander aux gens de trier. Mais là par contre il faudrait prendre des cas spécifiques d'animaux que vous donnez, des exemples d'animaux, pour voir si les gens ils savent ce que c'est finalement, ces différentes catégories. Et puis pour tester l'échelle, là il faudrait probablement voir le degré de certitude ou de difficulté pour savoir si les échelles sont pertinentes et si la personne elle arrive à se positionner. Donc relancer pour des raisons pour lesquelles elle rencontre des difficultés si elle rencontre. Voilà, donc ça c'est un ensemble de techniques qu'on pourrait utiliser dans cet exemple-là. Est-ce que j'ai pas compris comment est-ce que vous feriez pour tester la pertinence de cette échelle? En fait, on peut questionner la personne sur le degré de certitude de son choix de réponse, déjà. Et puis on peut demander tout simplement pourquoi elle a répondu ce qu'elle a répondu. Et donc comme ça, on pourra avoir l'information sur sa prise de décision dans ce cas-là, et savoir si elle va expliciter des difficultés qui sont rencontrées à ce moment-là. Donc ça, c'est une des façons les plus simples à faire. Éventuellement, si on a des outils du genre oculomètre, on pourrait avoir l'information sur des fixations de sa vue. Bon, on fait un peu des films maintenant sur l'oculomètre, mais c'est un peu ça ce qu'on peut faire aussi. C'est-à-dire voir s'il y a des problèmes qui sont identifiés par la fixation oculaire à des moments un peu douteux, c'est possible aussi. Est-ce qu'on fait un sur ESS aussi vite fait, hein, pour voir. On peut vous proposer aussi de réfléchir sur les traductions. On doit avoir quelques exemples. Bien client. Alors, ça c'est un. Si on a cette question en anglais, donc if a close family member was a gay man or lesbian, I would feel ashamed. Qu'est-ce que vous pouvez voir comme problème ou comme, comme difficulté de traduction sur cette question? Donc ça relèverait plutôt de la, des interviews cognitives en fait, de savoir justement qu'est-ce que les gens entendent par, par close, etc. Donc ça plutôt un enjeu de traduction sur, sur, le, sur la dénomination de gay or lesbian. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on a pas mal discuté, sur le fait de est-ce qu'on va faire une traduction sur une traduction littérale gay ou lesbienne, ou est-ce qu'on va utiliser le mot homosexuel pour décrire les deux, ou soit on va utiliser homosexuel homme ou femme pour vraiment détailler au maximum la dénomination. Est-ce qu'il y a d'autres termes qui vous posent question? Tous. Et ce serait quoi la difficulté sur Feel Ashamed? C'est aussi pas évident que culturellement ce soit le même sentiment qui soit provoqué entre la shame et la gêne. Ouais. Ça c'est aussi une question qu'on s'est posée entre le fait de dire j'aurais honte, je me sentirais gêné ou je me sentirais honteux. En fonction des trois possibilités, si on en utilise l'une ou l'autre, on ne va pas du tout ressentir la même chose. Et du coup, de dire je me sentirais gêné ou j'aurais honte, on ne mesure clairement pas la même chose. Donc du coup, là, il y a un vrai enjeu de traduction aussi, de savoir qu'est-ce qu'on pose comme question. Et du coup, je vous ai mis la traduction qu'on avait choisie au final. Donc si un membre de ma famille proche était homosexuel ou femme, j'aurais honte. Ce qui nous a semblé être le plus proche de la formulation anglaise. Et en même temps, juste sur la honte, parce qu'on peut avoir honte pour soi ou honte pour l'autre. Et là, pour le coup, c'est, on retombe plus du côté des entretiens cognitifs que de la traduction pour savoir qu'est-ce qu'on cherche à. Oui, peut-être que le j'aurais honte, il est plus générique que le. Ça, pour le coup, je pense que c'est pas forcément une question qu'on s'est posée quand on a fait la traduction. Donc c'est pour ça qu'on en revient aussi au fait de faire intervenir plusieurs personnes. C'est que il y a toujours des nouveaux enjeux qui apparaissent et on ne se questionne pas du tout sur la même chose. Là, on a une deuxième phrase qui était « Most applicants for refugee status aren't in real fear of persecution in their own country ». Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent compliquées déjà au niveau de la traduction? C'est peut-être la plupart, mais est-ce que quel est le degré enfin je sais la plupart, je sais pas si c'est dans le sens qu'est-ce qu'on attend comme réponse en fait, si c'est enfin quelle est l'évaluation de la quantité en fait, est-ce que c'est quasiment tous ou est-ce que c'est une majorité, enfin, je sais pas, une majorité, qu'est-ce qu'on entend derrière ce qui me paraît étrange, c'est la négation en fait. C'est de demander aux répondants de se positionner par rapport à cette affirmation qui peut exister, de dire qu'est-ce que vous pensez Mais quand on met la négative dès le départ, on introduit déjà qu'il y a un. Mais je pense que c'est l'idée de la question. Fear of persecution, c'est la peur de la persécution. Là, il y a vraiment un enjeu. Donc, il y a un premier enjeu qui est sur le statut de réfugié, mais j'en avais un petit peu parlé tout à l'heure. Et en fait, il y en a un autre sur le real field of persecution, et que en fait, il y a beaucoup de possibilités de traduction. On va pouvoir choisir ne craigne pas vraiment d'être persécuté, ne risque pas vraiment. Donc là, on est déjà pas exactement sur la même chose, parce que d'un côté, il y a la crainte des personnes, et ne risque pas vraiment. On est sur une menace réelle. Ne sont pas vraiment menacés, ne se sentent pas vraiment menacés. On va pas du tout ressentir la même chose, et donc, les réponses vont être complètement différentes si on cause ne risque pas vraiment de persécution ou ne se sentent pas vraiment menacés. Et du coup, il nous a semblé qu'en fait, on était plus dans la perception de la part des demandeurs d'asile donc la plupart des personnes qui demandent le statut de réfugié ne se sentent pas vraiment menacées dans leur propre pays. Et du coup, on demandait aux gens de se positionner. Si quelqu'un vous disait cette phrase, est-ce que vous seriez complètement d'accord? On va finir avec celle-là. If you were to buy a large electrical appliance for your home, how likely is it that you would buy one of the most energy efficient ones? Energy efficient? Déjà, energy efficient, c'est un problème. Et large electrical appliance. Donc sur le premier, c'est plus une question vraiment de dénomination entre est-ce qu'on va dire un gros appareil électroménager ou juste un gros électroménager, les deux peuvent s'entendre, et sur le fait que on va avoir l'utilisation du mot electrical en anglais, et du coup est-ce qu'on dit appareil électrique, appareil électroménager, est-ce que c'est exactement la même chose? C'est pas sûr non plus. Et la deuxième partie qui est peut-être la plus problématique, c'est sur le most energy efficient, sur le fait que est-ce qu'on parle d'une efficacité énergétique, est-ce qu'on parle du fait qu'il soit économe en énergie, est-ce qu'on peut utiliser le mot éco-énergétique, est-ce que c'est économe en énergie, est-ce que qui consomme le moins, c'est la même chose, faible consommation d'énergie, le moins d'énergivore, avec tous les niveaux de vocabulaire que ça implique. Et donc on était parti sur si vous deviez acheter un gros électroménager pour chez vous, quelle est la probabilité que vous choisissiez l'un des plus économes en énergie? Il y a aussi le problème des how likely, plus intuitif en anglais. Et on retombe sur le problème des formulations à traduire qui effectivement le how likely est compliqué. Ouais. Bon, je pense que... Je pense que ça pourrait être intéressant. Et c'est pas quelque chose qui...